Bonjour Frédéric, eh bien, j'appelle par rapport à Mars Express. En fait, ben voilà, je voulais te conseiller de courir voir ce film qui est une pépite découverte par hasard. Et en voulant chercher conseil pour te conseiller d'aller le voir, j'ai découvert qu'il y avait donc l'émission sur Mars Express et c'était juste aussi un prolongement de la pépite que j'ai vue au cinéma ces derniers jours. Donc, le même avis que toi, cours et voir ce film. Ce film est juste bouleversant et c'est un véritable coup de cœur. Voilà, je vais retourner le voir au cinéma et je te souhaite une bonne nouvelle année 2024. Ouais, salut Fred, moi c'est Étienne. On se connaît pas et pourtant j'ai le sentiment tenace de te connaître comme si t'étais mon propre frère. Tu te rends compte quand même que tu parles à d'absolument toutes les œuvres, les artistes, les auteurs qui ont eu un impact majeur dans la construction de la personne que je suis. Tu parles de Final Fantasy, Urasawa, tu vois, de Slam Dunk à la série animée Batman, de Alan Moore à John Williams. T'as même réussi le tour de force de m'intéresser à des sujets que j'aurais jamais eu l'idée d'explorer moi-même. La K-pop, Aya Nakamura, ou encore Animal Crossing. Et moi, je voulais te dire à quel point ça fait du bien d'écouter une émission qui parle pop culture avec curiosité, sensibilité, intelligence, mais surtout, surtout avec respect. Avec des gens qui t'y connaissent, mais ne passent pas leur temps, à s'écouter parler. Et ça, je crois qu'on te le doit à toi, Fred. Tu sais parfaitement faire cohabiter la passion avec l'humilité. Allez, je te laisse. Mille, mille, mille merci à toi et à l'équipe Blockbuster. Et au passage, passe le bonjour à Olivier Bénix, que j'adore écouter dans la photo de vidéo. Lui qui applique la même intelligence dans ses chroniques que vous pouvez le faire à Blockbuster. Bravo à vous, vous êtes absolument géniaux. To be or not to be, not to be. Une des beautés de la culture populaire, c'est qu'un peuple peut se réinventer sous la forme d'une icône de fiction. La France, par exemple, aime se rêver en Gaulois d'Astérix. Les États-Unis peuvent tour à tour se fantasmer en Superman ou Captain America. Quant aux Japonais, eux, leur mascotte, c'est Godzilla. Un dinosaure géant radioactif qui, depuis 70 ans, revient à intervalles réguliers détruire Tokyo et massacrer des milliers de Japonais. Personne n'imagine si bien la destruction des Japonais que les Japonais eux-mêmes. Question thérapie de peuple, ça se pose là. Car depuis cette décennie, Godzilla, finalement, c'est tout ce que le peuple japonais n'ose pas dire, par souci des conventions et des convenances, par pudeur culturelle. Les horreurs du passé qu'ils ont subies, mais qu'ils ont commis également. La critique des gouvernements qui se suivent et se ressemblent. Une menace écologique que l'on peut ralentir, mais qui est condamnée à gagner à la fin. Une tutelle américaine qui n'a jamais vraiment laissé ce peuple faire son devoir de mémoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Godzilla, c'est le nom de l'inconscient collectif des Japonais. Là où beaucoup ne voient en Godzilla qu'un type dans un costume kitsch de lézard en latex, moi, je vois surtout un peuple exorciser ses peurs sur grand écran depuis 70 ans et de la plus spectaculaire des manières. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Godzilla n'est pas là pour rigoler. Si vous avez un jour vu le Godzilla originel d'Ichiro Honda en 1954, ou plus proche de nous, Shin Godzilla d'Hideaki Anno, le réalisateur de la série Evangelion, ou encore Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, qui après le Japon cartonne également aux États-Unis, vous savez que ce dinosaure géant n'est pas un sujet de plaisanterie, mais bien l'incarnation d'une force de la nature contre laquelle l'homme, aussi vaniteux fut-il, ne peut rien. Souvenez-vous du désarroi dans lequel le monde s'est retrouvé lorsque le Covid est apparu. Sidération des populations, communication défaillante des gouvernements, crise existentielle des citoyens. Remplacez le Covid par Godzilla et vous comprendrez aisément de quoi parlent réellement ces films. Pour revenir sur l'incroyable héritage cinématographique du plus célèbre des kaiju, ces monstres géants qui font aux immeubles ce que l'État fait aux services publics, j'ai avec moi Nicolas Denéchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur aux éditions Ferd et vous avez écrit L'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres. Je l'ai coécrit, c'est ça. Avec nous également Fabien Moreau, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes auteur spécialiste du cinéma fantastique japonais. Vous avez écrit Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise chez Aardvark Edition, ainsi que Ishiro Honda, Humanisme Monstre aux éditions Rouge Profond. C'est ça. Avec nous de retour également, Olivier Corentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur pour comicsblog.fr et co-créateur et animateur du podcast brillant First Print. Merci. Les présentations sont faites, on peut y aller. Colonel, excusez-moi. On a reçu un rapport. 3 chalutiers viennent de couler. Et pourquoi vous pensez que c'est un rapport ? Ils ont été aspirés sous l'eau. C'est pas croyable. Ce truc n'est qu'à 400 km de la côte est des États-Unis et personne ne sait ce que c'est. Un théropoda, Allosaurus. Quoi ? C'est une espèce d'énorme reptile, mais depuis le Crétacé, on le croyait disparu. Où il a bien pu se cacher pendant 60 millions d'années ? Et n'oubliez pas les traces de radiation. Ce n'est ni une erreur, ni une anomalie. C'est l'explication. Cet animal est beaucoup trop grand pour n'être qu'un dinosaure ressuscité. Ce que ce n'est pas, je m'en cogne. Dites-moi plutôt ce que c'est que cette saleté. Bon, qu'est-ce que nous savons ? On l'a d'abord observé dans le Pacifique, près de la Polynésie française, ok ? Une région régulièrement exposée à des douzaines d'essais nucléaires depuis une bonne trentaine d'années. Ce qui explique les radiations ? Non, plus que ça. Il est possible que ce soit une mutation aberrante. Un être hybride engendré par les retombées nucléaires sur ces îles. Comme vos petits vers de terre ? Oui, oui. Je crois que nous sommes en présence d'un précurseur. Nous sommes à l'aube d'une espèce nouvelle. C'est le premier du genre. Si Godzilla est apparu il y a bientôt 70 ans au Japon, il ne faut pas oublier que pour toute une génération aussi, Godzilla, c'est le film de Roland Emmerich, sorti en 1998 avec Jean Reno, film dont on va vous parler un peu plus tard, mais pour l'instant on va revenir à la genèse de Godzilla. Et autour de cette table, j'ai avant tout une première question à vous poser, c'est comment avez-vous découvert Godzilla et comment êtes-vous devenu passionné par ce dinosaure radioactif géant ? Fabien ? Alors, je me souviens avoir lu un livre qui s'appelait Histoire de préhistoire, que j'avais découvert quand Jurassic Park était sorti, et dedans, on voyait des couvertures de comics Marvel dans lesquelles figurait Godzilla. Et puis, bon, étant sensibilisé aux blockbusters des années 90, j'ai vu Independence Day quand j'avais 12 ans au cinéma. Et puis, un an à peu près plus tard, je suis allé voir Men in Black, dans lequel il y avait déjà le premier teaser du Godzilla de Roland Emmerich, et donc ça m'a rendu curieux. Et quelques mois plus tard, je consultais un autre magazine qui s'appelait le magazine Marvel, qui était édité par Marvel France à l'époque, et il y avait un petit billet, un petit article du journaliste Christophe Lemaire qui annonçait la sortie des cassettes vidéo en version originale sous-titrée des premiers Godzilla chez HK Vidéo, donc chez Metropolitan. Et donc par curiosité, La fameuse collection HK. La fameuse collection, hein, béni soit-il. Et donc par curiosité, j'ai voulu voir le Godzilla original avant de voir le remake d'Emmerich, donc c'est comme ça que j'ai découvert le Kaiju Ega, donc le film de monstres japonais. Et puis ensuite, il y a eu toute une programmation de films sur le câble. À l'époque, c'était sur Ciné Cinéma, où ils ont passé d'autres films d'Ishiro Honda, comme Rodin, comme Prisonnière des Martiens. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la science-fiction japonaise, même si j'avais eu une initiation au Club Dorothée via toutes les séries de Tokusatsu avec Bioman, ce genre de choses. Mais on y reviendra. Nicolas Denéchaud. Alors voilà. Le premier souvenir, c'est une petite anecdote, le premier souvenir d'avoir vu Godzilla, ça doit être lorsqu'il était gonflable et qu'il s'est fait écraser par une météorite dans Armageddon de Michael Bay. Et je crois que c'est vraiment la toute première fois que je l'ai vu, en tout cas sur un grand écran. Effectivement, moi j'ai démarré comme pas mal d'entre nous avec le Godzilla de 98, donc de Roland Emmerich, dont on vient d'entendre un petit extrait. Et puis après, je n'ai plus trop de souvenirs, mais il me semble que les premiers Kaiju Ega, puisqu'on va en parler, c'est Gamera en fait. pour le coup ma porte d'entrée, donc La Tortue Millénaire Géante et Volante, donc la fameuse trilogie des années 90 de Shusuke Kaneko, et puis après, de fil en aiguille, tombé complètement amoureux de cette espèce de proposition de cinéma un peu dingue, avec des visuels qui me paraissaient très très exotiques et avec des envies d'effets spéciaux complètement outrancières par rapport à ce que je considérais être un peu plus policé dans les films américains, dont je m'abreuvais énormément, quoi. Donc, d'ailleurs, voilà. J'en profite pour nos plus jeunes auditeurs, parce que je sais qu'ils sont nombreux à écouter Blockbuster. Vous devez forcément connaître Godzilla avant même d'avoir vu un des films, vu que si vous jouez à Pokémon, il y a une grande partie des Pokémon qui sont inspirés par ces films de monstres géants, sauf que vous les avez... Je pense qu'on avait tous une approche... des monstres géants par la télé, comme le disait Fabien, par les Super Sentai, XOR et consorts, etc. On voyait, je pense qu'on a archétypé un petit peu tout ça. Après, dans son incarnation réelle, et on va en parler de Godzilla et la France, mais c'est une grande histoire d'haine, de passion et de désamour, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'occasion comme les Américains, par exemple, de le découvrir à la télé de manière régulière. Et puis est arrivé le film de 98, quoi, tout simplement. Olivier Corentin? Un peu pareil que Fabien, effectivement. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai associé à la génération dinosaures, on va dire. Où dans les années 90, il y a eu tout ce boom de dinosaures après Jurassic Park, et le film de Emmerich est un spoof assumé en plus grand de Jurassic Park. Un spoof. Alors expliquez pour les auditeurs, parce que... C'est un plagiat, mais de très mauvaise qualité, on va dire, qui cherche ouvertement et de manière très racoleuse à se greffer à un film meilleur qui a eu un retentissement populaire. En l'occurrence, pour Godzilla, c'est un peu comme par exemple Eric Ciotti et le spoof de Gérald Darmanin, un truc comme ça. Oui, je te laisse assumer cette blague. Ouais, je fais ce que je veux. Il y a aussi donc le teaser dont tu parlais, où justement Godzilla écrase un Tyrannosaurus Rex, dans un musée, qui est donc évidemment une tacle à Godzilla. C'est Jurassic Park, mais en plus gros, en plus fort. Après, sinon, dans les référents populaires, moi, je sais pas l'âge canonique de ces messieurs autour de la table. Là, c'était plutôt les Power Rangers. Ils ont à peu près le même âge que moi, donc tu vas rester tranquille. Voilà. La finesse de Godzilla. C'était plutôt les Power Rangers qui m'avaient éduqué, et aussi dans les Razmoquettes, le personnage de Reptar, oui, qui était déjà en fait un clin d'œil à Godzilla, la marchandisation de Godzilla aux États-Unis. Et ensuite, adolescent, c'était plutôt King Kong qui m'a fait revenir vers le monstre géant. La fascination pour les films de King Kong, notamment après celui de Peter Jackson, et en m'ouvrant à ça, et aussi parce que à l'époque la culture était plus facile d'accès, on va dire, téléchargé beaucoup de films justement Godzilla de la Toho, au point en fait d'en avoir oublié une partie avec les années, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres. Exactement, et la passion s'est un peu réamorcée justement avec Shin Godzilla et aussi les films plus américains qui m'ont fait terminer ce que j'avais à voir, même si je pense qu'il doit m'en manquer un ou deux quand même. Fabien Moreau, comment est né Godzilla? Alors, Tomoyuki Tanaka, producteur au studio Toho, a un problème. Donc nous sommes début 1954 et un de ses gros projets pour l'année, donc qui était un film de guerre qui devait se tourner partiellement, il me semble, c'était à Jakarta, ouais, se voit annulé. Et donc du coup, il doit combler un projet, une sortie de film pour le 3 novembre 1954. Et donc la légende voudrait qu'il ait imaginé une créature géante surgissant de l'océan durant un vol Tokyo-Jakarta. Mais il faut savoir que il y avait déjà un gros succès des films de monstres à l'époque aux États-Unis. King Kong venait de ressortir au début des années 50, aussi au Japon, hein, ça avait fait un très très gros succès. Et il y a aussi un film américain qui venait de sortir aux États-Unis en 1953, qui s'appelle Le Monstre des Temps Perdus. Alors ça parle de quoi? C'est un dinosaure qui est réveillé par une explosion nucléaire. Donc il était enfermé dans la calotte polaire arctique, et donc il est réveillé. Il va semer la terreur sur les océans du monde avant d'attaquer New York. Et donc c'est un film qui a servi de base à la future, on va dire, élaboration du projet G, qui va évoluer en Godzilla. Et donc Tanaka va demander à deux personnes de l'aider à concevoir le projet. D'un côté, on a Shigeru Kayama, qui est un auteur de science-fiction japonais spécialisé dans tout ce qui est fiction animalière, de travailler sur les premières étapes du scénario, et à Eiji Tsuburaya, mythique créateur d'effets spéciaux, d'imaginer les effets spéciaux pour le film. Alors, il est question à un moment donné de faire des effets spéciaux à la King Kong, c'est-à-dire de l'image par image, hein, donc ce sont des miniatures animées, littéralement image par image, la stop motion, sauf qu'ils ont que quelques mois pour faire le film, donc il va être décidé que Godzilla soit incarné par un acteur costumé qui va piétiner des miniatures. Et donc ils vont ensuite engager Ishiro Honda, qui a un réalisateur, on pourra peut-être revenir dessus, mais qui est un réalisateur, on va dire, un habitué des studios Toho, puisqu'il est assistant dans le studio depuis les années 30. Et oui, donc, parce que c'était pas quelqu'un que l'on peut qualifier de réalisateur geek, même si le terme n'existait pas encore, mais il vient du cinéma traditionnel. Pas du tout, effectivement. Donc, c'était un réalisateur qui avait été formé au sein des studios Toho avec deux autres collègues à lui, Senkichi Taniguchi et Akira Kurosawa, quand même, auprès d'un autre cinéaste qui est Kajiro Yamamoto. Donc lui, il se spécialise surtout au début dans ce qui est drame, documentaire, films sociaux. Surtout que c'est pas un cinéaste qui choisit lui-même ses projets. C'est un salarié du studio sur lequel on le met sur des projets. D'ailleurs, même les acteurs tournent d'un projet à l'autre Époque. Tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'ils sont contractualisés au sein du studio et on peut leur dire en janvier tu vas faire un film de samouraï et en mars tu vas faire un film de monstre géant. Donc c'est vrai qu'Honda qui a vécu la guerre, il est armé d'une sensibilité très pacifiste et c'est lui qui va amener l'aspect naturaliste à Godzilla, mais aussi il y a une autre origine, on va dire plus sociale, avec un incident qui s'est produit en 1954. Peut-être que Nicolas, tu veux en parler. Ouais, bien sûr. En fait, l'idée pour Taneka, donc le producteur, c'était effectivement déjà. Enfin, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que il y a pas eu de film de monstre jusque là au Japon. Il y a, j'irais même jusqu'à dire, il y a pas de film geek comme tu disais, Frédéric. C'est-à-dire que on avait une certaine expérience de l'usage des effets spéciaux dans une certaine mesure, notamment dans les films de guerre. C'était d'ailleurs là où a fait ses armes, si je peux dire, Eiji Tsuburaya. Mais par contre, c'était un pari osé de la part de Taneka de proposer un film de monstre qui surfait quand même sur justement le succès de notamment la ressortie de King Kong, du Monstre des Temps Perdus, mais aussi de la production, enfin d'un certain revival en 49. En fait, il y a eu Mighty Joe Young, donc un film de singe géant. Qui a eu droit à un remake aussi d'ailleurs. Absolument. Avec Charlie Theron, si je ne m'abuse. Mon ami Joe. C'est ça. Voilà, qui était sorti en 49. Enfin, c'est-à-dire qu'on sentait que les effets spéciaux allaient revenir d'une manière ou d'une autre, et pour Taneka c'était aussi l'occasion de pourquoi pas recréer une espèce de, voire même une industrie en fait des effets spéciaux en combinant le talent d'Eiji Tsuburaya et puis une approche effectivement plus différente, en tout cas plus sociale. Parce que effectivement il y a eu un événement au début de l'année 54 qui est lié aux essais nucléaires Castle Bravo, donc des États-Unis dans l'atoll des Bikini, assez proche donc au large du Japon, et donc lorsqu'ils ont fait exploser donc une bombe dont je n'ai pas exactement la nature, etc., enfin une bombe nucléaire, il y a eu un drame lié à ça, c'est-à-dire qu'un petit bateau de pêcheurs appelé le Daigo Fukuryumaru donc Dragon chanceux numéro 5, si je ne m'abuse. Ce qui est très légèrement mal noté, mal trouvé. Donc il s'est retrouvé en fait dans le souffle de cette bombe qui était quelque chose comme 10 fois plus puissante que celles qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Et en fait ça a été les premières victimes d'une bombe nucléaire après-guerre. C'est-à-dire que globalement le Japon en début 54 a été frappé deux fois par une catastrophe nucléaire. Il y a eu d'abord donc évidemment 45, ce que tout le monde connaît, mais aussi de nouvelles victimes de la bombe nucléaire. Donc il y avait déjà une approche au niveau du nucléaire qui continuait à enfoncer le clou. Faut se rappeler qu'en 54, on est juste 9 ans après les traumas donc de 1945, qui ne se limitaient pas donc à Hiroshima et Nagasaki. Hein, c'était aussi tous les bombardements qu'ont enduré les grandes capitales japonaises, notamment Tokyo. Chose qui va être énormément réutilisée dans l'imagerie par Ichiro Honda dans le film. Et dernière chose qui impactera énormément la production du film, c'est enfin en tout cas l'idée et la genèse du projet et qui va infuser complètement ce Godzilla, c'est aussi le fait d'avoir touché à l'océan. Enfin, c'est-à-dire que le Japon, comme nul n'est censé l'ignorer, est un archipel entouré par les océans, et que comme tous les archipels, en fait, ils ont un rapport presque animiste à la mer, qui est vraiment pour les Japonais un environnement. Enfin, l'océan, c'est ce qui apporte à la fois, c'est l'océan nourricier, c'est-à-dire que ce qui permet de vivre, hein, mais c'est aussi de l'océan que viennent tous les maux, en fait. Hein, que ce soit dans l'histoire du Japon, les tentatives d'invasion donc tout le monde pense évidemment à la vague d'Okusai qui représente exactement, voilà, donc il y a vraiment quelque chose. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que suite à ces essais nucléaires de Castle Bravo, en fait il y a eu pendant toute l'année 1954 un gros buzz, comme on dirait aujourd'hui, sur le fait de pouvoir consommer le poisson, tout simplement. Hein, il y avait des suspicions d'irradiation, donc et alors évidemment quand on peut plus manger de poisson au Japon en 54, c'est très très compliqué sur un pays qui essaie de se reconstruire, sur un pays qui a encore des problèmes de comment dire, de nourricier, enfin de famine, etc. Donc voilà, donc il y a quand même un soulèvement social qui va raviver la flamme anti-nucléaire, sur lequel vont jouer et qui va alimenter un peu effectivement le qui va infuser en tout cas le scénario et la manière d'approcher le film de monstre par les Japonais, c'est ce qui va créer un petit peu cette différence par rapport au monstre des temps perdus. La deuxième chose, c'est d'appeler et ça c'était dans la tête de Tanaka dès le début, c'est d'appeler le film Godzilla, enfin c'est-à-dire de lui donner le nom de la créature, parce que le projet c'était bien d'iconiser une créature, c'était pas le monstre des temps perdus, un truc un peu lambda, mais c'était de revenir un peu à ce qu'était King Kong, c'est-à-dire le personnage central. Mais d'ailleurs de ce c'est film. La fusion de gorille et baleine, c'est ça. Hein. C'est ça exactement. Alors ce qui va donner son nom, mais le fait de mettre le nom sur l'affiche, c'est pas de transformer une créature lambda, c'est vraiment d'iconiser déjà quelque chose. On crée un personnage avec une posture, des aptitudes. Olivier Corentin, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on évoque Godzilla, particulièrement en France, tout de suite, les gens vont aller vers le film catastrophe, le film de gros lézards, parce que Hollywood est passé par là aussi, il y a cette image. Mais quand on revoit les premiers Godzilla, et même encore aujourd'hui les Godzilla version japonaise, c'est un Godzilla qui est terrifiant. Il y a ce côté force de la nature primaire qui n'est vraiment pas là pour... C'est des films qui peuvent faire peur aussi. Bien sûr, oui. Bah, en fait, au-delà de tout ce contexte social, le film Godzilla aussi, c'est une évolution naturelle d'une progression du cinéma et des arts en général, qui ont digéré un peu les recherches paléontologiques qui ont été menées au XXe siècle et la reconstitution des vrais squelettes de dinosaures. Où d'un coup, le public s'est éveillé en se disant, ces créatures-là existent, elles ont une forme, et on peut se les matérialiser, on peut les peindre, on peut les représenter. Et effectivement, si on, en parallèle de l'industrialisation, de l'urbanisation, l'être humain va aussi reconnecter un peu plus avec la nature. Et dans le film justement King Kong, qui est plutôt un film d'horreur en l'occurrence, on a déjà ce propos en fait sur l'humain occidental, civilisé, industrialisé, qui va dans un territoire qui ne lui ressemble plus, la nature, où justement il est en confrontation avec des monstres qui sont énormes, et où il n'a plus l'ascendant sur eux. Et quand le monstre les suit aux États-Unis, il détruit justement l'idée que le confort en fait de la civilisation peut protéger l'être humain de cet éveil de la nature. Après ça, en fait, donc ces films-là qui vont effectivement avoir légion grâce au travail de Willis O'Brien et de R.R. Yeohzen aux États-Unis, vont suivre au Japon et aussi aux États-Unis où l'atome va commencer à créer une nouvelle race de films de monstres géants, de films d'horreur qui ont vocation à impressionner et à faire du grand spectacle, mais aussi à faire peur parce que l'angoisse générale sur les retombées nucléaires, la mutation, est dans l'esprit de tout le monde. Et en parallèle de films comme Godzilla, on a des films avec des fourmis géantes comme Them ou Ant, It Came From Beneath the Sea, etc. Et finalement, Godzilla est un peu la synthèse de ces deux idées. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un dinosaure à proprement parler, c'est une créature qu'on a créée vraiment. Mmh. C'est un personnage unique, mais qui reprend des postures d'iguanodon, qui fait très dragon maritime aussi. Donc, il incarne un petit peu l'humain qui se retrouve confronté au chaînon manquant, à l'idée qu'en fait, avant l'être humain, il y a eu une autre espèce qui était en possession de la Terre. Et que ça peut disparaître aussi, l'être humain. C'est, à l'aune de la bombe nucléaire, c'est une idée qui apparaît dans toutes les têtes. Or, on remet l'être humain en face, on crée cette rencontre, comme avait déjà fait Arthur Conan Doyle, ou Edgar Rice Burroughs, ou Jules Verne, évidemment, pour rappeler justement que l'espèce humaine est une chose qui peut disparaître. Et comme tu le disais, par rapport au Japon, à la philosophie du Shinto, où on met aussi des créatures de l'esprit dans la nature, Godzilla incarne la mer, il incarne les retombées radioactives dans la mer, il incarne la bombe, il incarne les États-Unis, il incarne beaucoup de choses en fait qu'on peut matérialiser à l'aune des angoisses de son époque, et en même temps, il va incarner justement cette nouvelle génération de monstres de science-fiction qui vont naître de l'atome, et qui vont ensuite morpher vers des trucs beaucoup plus pour enfants, on va dire, parce qu'évidemment, cette science-fiction-là va vite se tourner vers un public plus familial. Oui, parce qu'il y a toujours des producteurs derrière un succès, exactement. Et au bout d'un moment, il faut capitaliser, et ça transforme le message de départ. Bah, tout à fait, bien sûr. C'est comme Superman, qui au départ apparaît comme un personnage de la justice sociale, qui combat les vraies problématiques des États-Unis dans les années 30, qui ont été ravagées par le crack boursier, etc. Et qui 15 ans plus tard après la guerre, devient un héros qui combat des aliens avec des kryptonites bleues, vertes, jaunes, etc. Ça, c'est une évolution commerciale qui est naturelle. Mais Godzilla, quelque part, voilà, il est vraiment au confluent de ces deux tendances. Entre King Kong, qui incarne plutôt la nature, le rapport entre modernité, le passé, ou l'évolution des civilisations, et les monstres atomiques, les monstres nucléaires, et la science, et ce qu'elle peut avoir de dangereux pour l'être humain. Dans le premier film, Godzilla est très parlant de ce point de vue-là, avec l'Oxygen Destroyer, qui est une arme qui est faite pour répliquer la bombe atomique. L'invention du professeur Serizawa. Serizawa, tout à fait, oui. Et qui, le film se termine vraiment avec un message, il faut faire attention. Les scientifiques n'ont pas vocation à créer tout et n'importe quoi, c'est vraiment le Oppenheimer de ce film-là. Et d'ailleurs, après, ce sera plus tard réutilisé pour justement dire que aussi on peut créer des monstres par la science volontairement. Ouais, c'est vraiment la science-fiction prométhéenne, mais t'as raison. Enfin, ça s'ancre totalement dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que à partir du moment où on a créé la bombe nucléaire, enfin, c'est plus jusque-là la fin du monde, elle était liée à quelque chose de très religieux. C'était Dieu qui pouvait créer la fin du monde. En 45, quand on a balancé les deux bombes à Hiroshima et Nagasaki, tout d'un coup, c'était l'homme qui pouvait être à l'origine de son extinction. Quoi. Donc ça a changé complètement le paradigme. Quoi. Et en marge des obsessions totalement compréhensibles d'un peuple vis-à-vis du nucléaire, vis-à-vis de la pollution des hommes et de tout ce que ça peut générer, Godzilla, c'est aussi, on a parlé de King Kong, un hommage à... je dirais, aux singularités que le cinéma permet. C'est-à-dire la création d'effets spéciaux, il y avait quelque chose de très expérimental là-dedans. Quel est le nom du génie qui s'est dit « je vais reconstituer des villes avec un acteur dans un costume et le faire évoluer à l'intérieur de tout ça ?» Parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça n'avait jamais été fait. Godzilla, c'est presque une création accidentelle, en fait. Ça s'est fait avec beaucoup de stress et très peu de temps. Et c'est vrai qu'il faut saluer le travail du grand Eiji Tsuburaya, qui est le grand Manitou, le superviseur, le king des kaijus. C'est vrai que lui, il a une trajectoire particulière, puisque lui, c'est avant tout un passionné d'aviation. D'ailleurs, il a fréquenté un club d'aviation quand il était jeune, et c'est d'ailleurs la mort d'un de ses instructeurs qui l'a incité à se détourner de cette voie-là. Il a beaucoup travaillé pour l'industrie du jouet, donc déjà il y avait une familiarisation auprès de tout ce qui était miniature, maquette, puis ensuite il s'est dirigé vers le cinéma, et c'est vrai qu'il a eu une épiphanie en 1933 en découvrant le King Kong de Shotsake Cooper, et c'est ça qui lui a donné envie de se perfectionner dans le domaine des effets spéciaux. Alors il a fait tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit des miniatures, des matte painting. Il a inauguré des techniques de montage, le logo de la TO, c'est lui qui l'a amélioré. Et c'est vrai que comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, sa spécialité première, ce sont les miniatures. Et dans les années 40, il était engagé par la Toho pour faire les miniatures de films de propagande qui reconstituaient les batailles navales du Japon. Et notamment, il y a eu un film sur Pearl Harbor qui s'appelait La guerre du Pacifique de Hawaï jusqu'en Malaisie, qui a été tourné en 1942. Donc un grand film propagandiste avec une scène d'attaque de Pearl Harbor assez impressionnante. Et après-guerre, Tsuburaya... a été surveillé par les services secrets américains parce qu'il pensait qu'il avait dérobé les plans des avions américains pour la scène de reconstitution de Pearl Harbor. Donc du coup, il est devenu complètement persona non grata auprès de tous les studios japonais qui l'embauchaient sans pour autant le créditer au générique. Et c'est à partir de Godzilla que le terme de superviseur des effets spéciaux, de directeur des effets spéciaux est devenu très important du fait que tous les films à effets spéciaux au Japon sont réalisés par deux cinéastes. Un cinéaste donc comme Ichiro Honda qui supervise les séquences dramatiques et des gens comme Eiji Tsuburaya qui eux sont uniquement dédiés aux effets spéciaux. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, il voulait vraiment faire son King Kong, c'est-à-dire faire de l'animation image par image, et la légende veut qu'il ait dit à Tomoyuki Tanaka, le producteur, bon, si on veut faire King Kong, il nous faut 7 ans. Et Tanaka, il a dit non, mais en fait, on a 6 mois, en fait. Donc, c'est vrai que cette technique du suitmation, donc de l'homme costumé, s'est fait de manière complètement accidentelle, mais c'est devenu la signature et la marque de fabrique du film de monstre japonais, du Kaiju Ega. Mais ça s'est pas fait sans heurts, parce que ils ont dû faire plusieurs versions du costume, parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas encore de caoutchouc, enfin de latex flexible à cette époque-là, donc ils ont fait avec du caoutchouc pas de grande qualité, avec des renforcements en ciment, avec du bambou, donc du coup ils ont eu beaucoup aussi de problèmes. On a une pensée émue pour celui qui a testé tout ça. Monsieur Nakajima, qui est tombé dans les pommes à plusieurs reprises sur le tournage, qui est tombé, qui perdait apparemment plusieurs kilos de transpiration par jour, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans le costume de Godzilla, la votre tête, elle est au niveau de la du cou. Et la tête, elle est au-dessus de votre tête à vous. Et vous ne pouvez voir qu'avec des petits trous qui sont faits dans le costume. Alors, bon, déjà, il ne savait pas forcément où il allait. Donc c'était vraiment des fois au jugé. Mais à l'écran, le résultat tout est assez saisissant. Tourné en plein été. En plein été, mois d'août. Voilà, pour 54, ceux qui connaissent le mois d'août au Japon, voilà. Là, ça rajoute un petit peu à la fantaisie. Dans des hangars, évidemment, où il n'y a pas la clim. Bref, il n'y a pas la clim. Ouais. Mais toute l'histoire de Godzilla, de toute façon, est traversée d'accidents avec des costumes, avec de la fumée qu'on veut faire sortir d'une bouche qui étouffe le suitmation d'acteur, ou d'électricité, d'acteurs qui se prennent des chocs électriques, qui manquent de se casser le cou en tombant sur une scène, et généralement qui manquent de se noyer, puisqu'il y a aussi beaucoup de scènes maritimes, mécaniquement. Il y avait une piscine entière qui avait été construite pour ça dans les studios de la Toho, où généralement l'acteur ne peut pas nager avec un costume aussi lourd. Et ça a donné toute une école, après, avec des jeux d'acteurs, de mimiques, d'acteurs qui vont aux zoos pour essayer d'imiter les créatures. Donc Haruo Nakajima notamment, Kenpachiro Satsuma, qui était aussi un acteur qui avait fait du Ultraman et qui méprisait le travail de Suitmation avant de rencontrer celui qui avait donné vie à Godzilla et qui l'a ensuite respecté comme une sorte de figure paternelle. Et c'est devenu vraiment une école, comme justement il y a l'école des mecs qui prennent des postures pas possibles dans les tokusatsu super-héros plus tard, qui est devenu en fait vraiment un truc très japonais et très identifié dans le cinéma japonais. Ça a été la création d'un métier, hein, littéralement. Après, il n'y a pas que l'acteur dans le costume, il y a aussi d'autres techniques, des miniatures, des made painting, des effets pyrotechniques. Et puis aussi, il jouait aussi sur la vitesse de défilement de la caméra, de la pellicule dans la caméra pour obtenir justement cette lourdeur. Le côté implacable de la créature, ce qui n'était pas le cas sur le tournage, où généralement ils avançaient plutôt rapidement. Et pour mon bouquin, je me rappelle que j'avais remis la main sur un document interne de la Toho qui, en fait, dès le deuxième, je crois, ils avaient mis en place une espèce d'alphabet, parce qu'on ne pouvait pas parler, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de micro-oreillette pour parler avec celui qui était dans le costume. Donc ils avaient mis en place un système de codification de gestes qui allait de, effectivement, je me suis coincé, ou alors je meurs. Voilà, exactement. Donc il y a un peu toutes les strates. C'était assez marrant et assez inquiétant. Mais effectivement, ça témoigne de la dangerosité de la chose. Et comme a dit Corentin, des fois il y avait des accidents. Par exemple, l'acteur pouvait incarner un kaiju volant comme Rodan, et des fois le câble cédait et il allait tomber dans un plan d'eau. Des fois, il fallait secourir. Ouais, ça, mon épitaphe sur une tombe, c'est bizarre. Hein. Je me suis noyé sur le plateau 47 de la tour. Almost 300 feet. Il fait près de 90 mètres. It's far bigger than the other one. Il est beaucoup plus grand que l'autre. This one doesn't have any wings. Celui-là ne semble pas avoir d'ailes. A different sex? Pas le même sexe. A female. Une femelle. That's who he's been talking to. Voilà à qui il parlait. It must be a mating. Il cherche à s'accoupler. La femelle dormait parce que le mâle n'était pas à maturité. Another seeking radiation. Il leur faut des radiations. To reproduce. Pour se reproduire. Tracking models indicate that all three targets are converging here. Les relevés dont je dispose indiquent tous que les trois objectifs arriveront là, dans la baie de San Francisco. Il faut équiper une tête nucléaire d'un minuteur blindé et l'envoyer par bateau à 20 000 nautiques. La radiation attirera les mutos et les mutos attireront Godzilla. Et la bombe explosera avec un minimum de retombées sur la ville. Vous n'êtes pas sérieux? Ils absorbent les radiations. Affirmatif. On se servira de la bombe comme appât. Et ils seront pulvérisés par le seul souffle de l'explosion. C'est de la folie. Docteur, si jamais vous avez une autre idée, je suis preneur. Amiral. Oui, docteur. Godzilla est peut-être la réponse. Je pense que son rôle est de restaurer l'équilibre naturel. Et qu'il peut les vaincre. Mais on fait quoi? On reste là à les regarder? Je suis navré, docteur. Je peux pas courir ce risque. Yes, sir. C'était un extrait du Godzilla américain de Gareth Edwards, sorti en 2014 et premier film de la franchise du Monsterverse. Alors, en même temps, Blockbuster est diffusé sur Twitch et on a des retours des spectateurs qui nous regardent. Il y a Bruche Pen Pen qui nous dit que d'ailleurs King Kong n'est pas le premier monstre à attaquer une ville. Il y a le Brontosaure du Monde Perdu et même dans un ancien cartoon de Superman. Oui. Voilà. Arctic Giant. On dirait une sorte de proto Denver, mais méchant. Oui, mon ami est bien plus encore. Tout à fait. Oui. Il y a également Zilfer qui nous dit que qui se pose la question. Il dit c'est amusant que Godzilla soit le seul kaiju qui ait eu du succès en Occident. Est-ce vrai? Vous confirmez? Vous infirmez? Bah, en tout cas, il incarne à lui seul tout le genre. Hein. Et c'est vrai que, de toute manière, la Toho, historiquement, a ensuite développé d'autres personnages dans d'autres films indépendants, mais fatalement, ils se sont tous rapprochés au cœur de la franchise Godzilla. Bon, ensuite, on a Gamera, qui est un monstre ouais. concurrent, mais qui, on va dire, est peut-être le deuxième kaiju le plus connu, mais qui a connu aussi beaucoup de prestige grâce à la trilogie Et Guillermo del Toro, qui, avec Pacific Rim, on a créé des nouveaux aussi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on en parlera probablement, mais le fait qu'il y ait eu ensuite très rapidement un King Kong contre Godzilla, ouais, ça a aidé. Hein. Alors c'était un coup de génie donc en 62, c'est ouais. ça. Ouais. C'était un coup de génie de la Toho, ça, d'avoir récupéré. Alors on pourra raconter l'histoire de la manière dont ils ont récupéré. C'est un peu tragique les droits de King Kong, mais ça c'était un coup de génie parce que d'un seul coup en fait, King Kong c'était vraiment le sommet du panthéon des monstres du cinéma à l'époque, et d'avoir mis sur une affiche King Kong contre Godzilla, ça a institué direct, voilà, bon bah déjà il y avait un côté Japon-USA et puis on mettait tout de suite sur le Panthéon, au sommet du Panthéon, donc Godzilla quoi, et je pense que ça a marqué. Après il y a une histoire de distribution de films, etc. Mais c'est vrai que c'est ce film-là, ce troisième film qui a été vraiment le coup d'envoi d'une saga et d'une licence au sens premier du terme. On a également Captain Over qui nous dit que c'est étonnant de voir que le spectre dangereux du nucléaire se soit ancré dans la pop culture dans les années 50 au cinéma japonais par la figure de Godzilla, et seulement dans les années 60 aux USA avec Hulk. Là j'ai peut-être un élément de réponse. Il y a un pays qui s'est pris deux bombes et l'autre qui les a lancées, donc ils n'avaient peut-être pas les mêmes, oui, le même rapport. C'est pas tout à fait vrai, enfin, on n'a pas attendu l'incroyable Hulk pour avoir des productions qui parlaient de la bombe atomique ou du nucléaire. Je veux dire, le jour où la Terre s'arrêta, déjà, c'est déjà des films qui parlent de la peur nucléaire et de la friction avec l'URSS. Zem, c'est 54 aussi, je crois. Et puis le monstre des temps perdus, enfin, la peur du nucléaire. Il faut se rappeler que tout de suite après la guerre, certes, ils n'ont pas pris des bombes, mais par contre, il y a eu les guerres froides. Donc, spectre du danger du nucléaire, il était là un peu partout. Alors évidemment qu'il a impacté un peu plus directement le Japon. Mais... La peur du communisme, elle est présente dans tous ces films de science-fiction américains, même dans La Guerre des Mondes. Ils testent une bombe atomique qui se révèle être inefficace contre les martiens. Pareil, ils sont aussi dans Tarantula. À un moment donné, ils testent, je crois, un explosif très puissant qui ne fonctionne pas. Rappelez-vous que les martiens, ils habitent sur une planète rouge. C'est des communistes. Et que ça a quand même engendré une vague de films de science-fiction assez importante. Et est-ce qu'il y a une autre question de Lulu, notre médiatrice qui agit dans l'ombre, qui nous demande, est-ce que Godzilla a été le point de départ pour tous les monstres de série B, Z, qu'on voit comme Sharknado? Non, ça c'est plutôt les Dents de la Mer en l'occurrence, voilà. En Occident. Tous les films de requins de type L'attaque du requin géant à deux têtes, Les requins des sables, etc. C'est vraiment des films qui partent de Jaws 2, enfin Les Dents de la Mer deuxième partie, pour pas dire Les Dents de la Mer 2, qui sont en fait voilà des films d'exploitation. Mais de toute façon, tous ces films-là, en fait, ils ont aussi une origine qui prend les mêmes référents. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est le cinéma de Roger Corman, c'est le cinéma des monstres qui part des mêmes trucs que Dem et compagnie. Godzilla, c'est une ligne parallèle qui a développé d'autres technologies avec une mythologie plus super-héros, plus combat de monstres géants et aussi allégorie du nucléaire qui revient périodiquement. L'histoire du cinéma occidental et du cinéma asiatique sont vraiment deux courbes séparées qui ne se croisent qu'à quelques occasions. Je pense que Nico pourra en parler tout à l'heure. La distribution de Godzilla aux États-Unis et en Europe, c'est un sujet qui permet pas en fait de faire des paraboles très claires. De loin, sur l'arbre généalogique, si on devait le faire en entier, ouais, on retrouverait probablement un bout de Godzilla par là, un King Kong matriciel à la base, c'est difficile. En tout cas, c'est Sharknado, etc. C'est plus moderne. Ouais, une chose très importante aussi qu'il faut mentionner, c'est que la science-fiction japonaise, très rapidement, ce n'était pas un sous-produit au sein des studios. C'est-à-dire que c'était des films qui étaient produits avec les meilleurs techniciens des studios, avec les meilleurs acteurs, les meilleurs chefs-op, les meilleurs monteurs, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les productions américaines des années 50. Hein. Loin de là, vous avez peut-être 5-6 grands films de studio pour toute une palanquée de série B, voire même de série Z. Par contre, c'est vrai que la distribution de ces films-là aux États-Unis avec des recadrages, des doublages souvent un peu approximatifs... Et même Godzilla qui a été carrément... où on a incrusté des acteurs américains pour donner la réplique à des acteurs qu'ils n'ont jamais croisés. En fait. Non, en fait, sur le premier film, ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, alors il faut que je précise que Gojira, qui devient Godzilla, la transcription occidentale, c'est bien dû à la Toho, hein, c'est pas dû aux États-Unis, c'est le département marketing international de la Toho qui a trouvé ça. Par contre, c'est vrai que, curieusement, le premier Godzilla, donc qui est devenu aux États-Unis Godzilla King of the Monsters, C'est très bizarre parce qu'il contient la tonalité du film d'origine. Il y a toujours cette gravité, ce stress, cette tension. Mais effectivement, on a cette nouvelle scène avec l'acteur Raymond Burr, donc Perry Mason, qui apporte ce point de vue américain, mais qui cette fois structure le récit en flashback, presque comme un film noir en fait. Oui, Citizen Kane, en fait. Oui, voilà. Et c'est intéressant parce que déjà le nom King of the Monsters après va être repris par la Toho qui va réexploiter la version américaine au Japon. Oui, c'est vrai. Par contre, dans le film suivant, où justement le retour de Godzilla, Godzilla Raids Again, ils vont renommer Godzilla pour lui donner le nom Gigantis. Ouais. Puisqu'ils pensent que c'est plus rentable que de faire une suite à l'époque où justement Hollywood ne pense pas du tout en termes de suite. Oui, il y a pas de là, c'était il y a longtemps. Hein. C'est quand même assez curieux justement. Il y a eu plein d'expériences comme ça. Ouais, ça a changé avec James Bond, etc. Mais c'est la pire décision de producteur en fait. Hein, quand on y pense, Schreiberman, là à l'époque, il a pris une décision très étrange, genre en mode non, mais ça va être la suite, mais les gens n'iront pas voir un film qui comporte le même nom que le personnage du film d'avant, donc on va le renommer. Qui a bien marché en plus. C'est bizarre. Toute l'histoire du Japon et des États-Unis par rapport à Godzilla. Enfin, tout à l'heure, on parlera du film de Roland Emmerich. C'est pas anodin si c'est un essai nucléaire français et pas américain qui a créé la créature. C'est les États-Unis ne veulent pas entendre parler que Godzilla est comme une part de responsabilité américaine dans la créature. Et généralement, les États-Unis, quand ils récupèrent ces films-là, ils préfèrent un petit peu éviter cette partie-là. Il ne faut pas qu'on leur rappelle qu'ils ont bombardé deux villes et fait des milliers de morts. Oui, parce que c'est vrai qu'on dehors, si jamais on regardait pas Godzilla, on le saurait pas. Oui, oui. Après, c'est propre au cinéma américain de se déresponsabiliser par rapport à l'aspect négatif du nucléaire. Et même dans la version de 2014, on nous dit que les essais de Castle Bravo ont bien eu lieu, mais qu'ils ont eu lieu pour arrêter Godzilla qui existait oui, déjà. Qui existait en fait, déjà, hein. Oui. Et de la même manière, il y a un rapport particulier dans les films de Godzilla avec l'histoire japonaise et notamment le rapport à l'impérialisme tel qu'il est représenté dans la franchise Godzilla. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce que c'est vrai que j'ai fait un voyage au Japon il y a très peu de temps et ce qui me surprend toujours, c'est que on prend souvent Hiroshima et Nagasaki comme un point de départ de ce que le pays a subi, mais on remet jamais les choses dans le contexte historique un peu plus large, le rapport du Japon à la Corée, à la Chine, etc. Où là, pour ces peuples-là, les Japonais ne sont pas que des victimes, ils le sont, mais pas seulement. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est, enfin, dans les films Godzilla, c'est ce qui est intéressant. De toute manière, cette franchise, elle est aussi intéressante pour ça. Elle a probablement des valeurs cinéphiles purement, mais aujourd'hui, via 30 films depuis Godzilla Minus One, on peut avoir une lecture du Japon d'après-guerre qui est assez passionnante, puisque bon, il en est sorti quasiment cycliquement, je sais pas, tous les 4-5 ans, puis il y a eu quelques interruptions. Donc ça nous offre un regard pas forcément volontaire, des fois oui, de la part des producteurs ou des réalisateurs, des fois involontaire, sur effectivement au moins les angoisses du pays. Et effectivement, nous occidentaux, et là je mets beaucoup de pincettes parce que c'est une lecture très compliquée, on peut avoir une lecture aussi de leur rapport justement à leur responsabilité, parce que tout à l'heure on parlait de la déresponsabilisation des États-Unis vis-à-vis de ce que peut représenter l'outrage que sont les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima. Il est intéressant aussi de voir comment sont traitées effectivement les exactions de l'armée japonaise en Chine, en Corée ou en Indonésie. Tu parlais tout à l'heure de ce projet de film à Jakarta qui a été refusé et pour cause pour Tanaka. Donc là-dessus c'est assez passionnant, c'est assez ambivalent comme d'habitude. D'ailleurs, de toute manière, Godzilla c'est un personnage très très ambivalent. Oui, parce que un coup il détruit Tokyo et le Japon et le film d'après il va être une sorte de défenseur. C'est ça. Alors déjà ça c'est ce qui a de plus littéral. C'est-à-dire que Godzilla a démarré comme un vrai antagoniste, un vrai monstre, une menace, et puis il y a eu un tournant dans les années 60 où il est devenu l'ami du Japon. Déjà, pour un personnage principal, alors c'est vrai qu'on n'avait pas du tout encore cette notion de franchise directe, c'est-à-dire que la continuité narrative dans Godzilla, elle est pas elle est pas aussi suivie que dans le MCU, n'est-ce pas? Mais par contre ce virage à 180 là qu'a opéré Godzilla, bon, alors il s'explique notamment déjà par une différence de la perception du nucléaire. Le nucléaire, c'est ambivalent par définition, c'est-à-dire que ça représente à la fois une menace donc les armes nucléaires, mais à la fois quelque chose qui nous est complètement indispensable, puisque c'est ce qui nous fournit l'énergie, notamment au Japon, puisque dès 55, donc c'est-à-dire l'année suivante, donc 10 ans après les bombardements, le Japon va tout miser sur le nucléaire pour le redressement du pays. Et Dieu sait que cette résilience, elle est importante dans l'histoire japonaise. Donc dès 55, ils misent tout sur le nucléaire. Quelques années après, pour Invasion face au Monster, si mes souvenirs ne me trompent pas, donc Godzilla va protéger le Japon parce que Godzilla va incarner tout simplement ce bon côté du nucléaire. En fait, il était devenu compliqué. Cholestérol, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, et il y a le bon Godzilla, et le bon nucléaire c'est et ça, le mauvais c'est nucléaire. Ça, c'est ça. Après, c'est une différence de perception. après Noël, moi, je vois surtout le mauvais côté du cholestérol. Mais donc, il était devenu compliqué pour l'ATO, qui est alors il y a un système de production au Japon qui est aussi enfin ça, Fabien, tu pourrais en parler éventuellement, mais donc en tout cas, l'ATO pouvait plus faire une incarnation. En tout cas, était obligé de présenter les choses différemment au niveau du nucléaire. Donc Godzilla est devenu gentil. Il repassera méchant plus tard parce qu'en fait, il va métaphoriser ou en tout cas incarner d'autres inquiétudes. Et ça, c'est assez passionnant. Donc il y a eu l'impérialisme, il y aura aussi les dangers de écologiques, il y aura la bêtise, il y aura l'arrivée de la télévision qui est assez passionnante dans les années 60 qu'on peut voir à travers Godzilla, notamment via le fameux King Kong versus Godzilla. Donc, puisque l'arrivée de la télévision, c'est pas anodin du tout, hein, notamment dans la transformation de cette franchise, ça va changer complètement le paradigme de la manière de consommer le cinéma. Il y a pas longtemps, avec Fabien, on avait eu une discussion là-dessus, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui allaient en salle au Japon dans les années 50 et 60, c'était presque 80 fois supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quand même assez vertigineux. Évidemment, la télé est arrivée là, notamment au Japon, où elle a explosé avec les Jeux Olympiques en 64. Donc, on peut lire l'histoire japonaise à travers toute cette histoire. Plus tard, Godzilla deviendra méchant pour des raisons très notables. On va reparler de l'impérialisme, mais notamment chez Shusuke Kaneko, donc le papa de la trilogie Gamera, qui va avoir droit de réaliser un film qui s'appelle Godzilla Mothra and King Ghidorah, okay. Donc GMK pour les intimes, qui lui va qui a un rumble de monstres géants. Ouais, qui a un mini rumble, mais qui va surtout faire de son Godzilla cette fois-ci un Godzilla qui est l'incarnation justement des exactions, donc des crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Chose qui était intéressante et qui n'était pas du tout innocente de la part de Kaneko, donc en 2001, puisqu'on sentait qu'il y avait une résurgence. Le Japon connaissait une énorme récession économique. Et comme souvent, quand on commence à avoir une petite récession économique, on commence à rediriger vers une espèce d'extrême droite impérialiste. Donc il y avait un grand mouvement politique, en tout cas populaire, dans son pays. Et puis Godzilla est arrivé comme une espèce de rappel. Godzilla, moi, je sais que je considère souvent que c'est vraiment le lanceur d'alerte du cinéma. À chaque fois qu'il revient, on se doute que c'est parce qu'il y a à nouveau le bordel quelque part. Mais c'est vrai que la notion d'impérialisme aussi, elle est là dès le début, puisqu'il faut rappeler qu'Ichiro Honda lui-même avait été officier pour l'armée impériale japonaise et qu'il a fait, on va dire, plusieurs campagnes, ce qui a fait qu'il est devenu réalisateur bien plus tard, parce que justement il a été mobilisé sur le front à plusieurs reprises, notamment en Mandchourie. Il y a aussi une période assez sombre où il a dû gérer des maisons de confort pour les officiers japonais. Il devait lui-même s'occuper des jeunes femmes prostituées de Chine ou de Corée qui étaient mises au service des officiers japonais, et lui-même a été fait prisonnier ensuite à la fin de la guerre. Et c'est en revenant au Japon en 1946 et en passant par les ruines d'Hiroshima qu'il a compris que il fallait s'orienter vers une voie pacifiste, quoi. Mais en fait, il a fait son travail comme beaucoup de Japonais à cette époque-là. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de faire un parallèle entre la vie de Honda et le personnage principal de Minus One, qui revient au pays dans un Japon complètement ravagé. Et puis aussi, il y a tout un questionnement sur l'histoire d'un studio. C'est-à-dire que l'ATO produisait tous ces films de propagande, maritime, aérien, et Godzilla Minus One renvoie à ce genre-là, ce qu'on appelle le Sensoriga, c'est-à-dire le grand film de guerre aérien maritime. Mais ces films des années 40, on peut toujours les voir au Japon. C'est-à-dire que le Japon n'étant pas un pays qui a fait sa rédemption comme l'Allemagne, il y a un regard encore un peu différent sur les films de propagande. C'est-à-dire qu'on peut encore les voir en libre-service aujourd'hui, sans contextualisation en fait. Et justement, ça m'intéresse particulièrement parce que je sais qu'au Japon, il n'y a pas cette tradition, par exemple, d'avoir des satiristes. Il n'y a pas des gens qui vont critiquer, des humoristes qui vont critiquer ouvertement, comme on peut le voir en France, des décisions gouvernementales ou même des passages historiques du Japon. Par contre, dans leur cinéma, on sent, et notamment dans Godzilla, on sent une critique et une satire qui est absente de la communication habituelle du Japon. Est-ce que c'est justement, alors Nicolas l'a qualifié de lanceur d'alerte, mais est-ce que Godzilla, c'est pas aussi l'esprit satirique japonais qui s'exprime à travers lui ? En un sens, c'est très vrai pour les films récents, pour Shin Godzilla et Magnus One particulièrement, même si c'est moins de la satire que de la recontextualisation historique. Pour GMK dont tu me parlais, qui est probablement l'un des meilleurs de la période Millennium, il y a vraiment cette idée de ne pas oublier les vétérans tombés au combat, de ne pas oublier ce qui a été fait avec l'unité Ichi, l'invasion de l'Asie en général, les massacres, les viols et compagnie. Dans Godzilla le premier, ça sort aussi d'une période où les États-Unis ont administré le Japon, occupé le Japon, et il était interdit dans le cinéma d'évoquer certains sujets, comme la bombe atomique, la bombe nucléaire, et les suicides aussi, de ne pas faire d'appel aux suicides, parce que justement on sortait du traumatisme des kamikazes aussi, de ce qui avait été fait et demandé aux soldats. Il y a cette notion de satire dans certains points, mais généralement quand même le sujet de Godzilla est quand même plutôt pris au sérieux dans les films où il est invoqué comme une allégorie. Ceux où il est invoqué comme une figure plus Casimir, on va dire, oui, justement, oui. Plus super-héros. Oui, on l'a vu dans le chat de l'émission, il y a des gens qui voulaient qu'on parle de notre Godzilla français, Casimir. Voilà, il a été c'est nommé. Pour vous, c'est chers pour amis. Vous, cadeau. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de Godzilla vs Kong, effectivement, qui apparaît justement une période où la classe moyenne japonaise va commencer à se solidifier, la télévision va arriver. C'est un film satirique, quelque part. C'est une pure comédie. Hein, comme le Robocop de Verhoeven avait ses répliques, oui. I'll take it for a dollar, etc. Il y a vraiment justement ces critiques qui sont adressées. Mais c'est toujours un peu un équilibre à trouver entre la partie humaine, la partie société, qui va être laissée aux personnages, aux acteurs traditionnels, civils, et la partie des monstres, qui, elle, va plutôt toucher à des sujets qui vont être parfois effectivement écologiques, parfois plutôt une part de l'espace, ou des voyages spatiaux, ou de la conquête spatiale en général. C'est vraiment plus récent quand on a des auteurs comme Hideaki Anno, justement, qui arrivent et qui, lui, n'a pas peur de faire des allégories très... très frontale de ce qu'on peut faire avec les monstres géants, que là on a des films comme Shin Godzilla qui sont vraiment des critiques très ouvertes du défi générationnel japonais, de la lenteur d'institutions japonaises, de la bureaucratie, de comment a été géré le drame de Fukushima Daiichi. Et là effectivement on arrive vers un truc, mais même qui a donné après une franchise quelque part avec les Shin Ultraman, les Shin Kamen Rider plus récemment. Mais moi je pense pas qu'on puisse dire que Godzilla c'est le personnage satirique du cinéma. Je pense que en fait ça dépend qui est aux manettes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une velléité d'artiste derrière. Je pense que au Japon ça marche comme ça. Il y a vraiment l'artiste qui éventuellement peut s'exprimer, peut émettre une idée. Alors en n'y allant pas forcément. C'est un bon outil de médiation. Absolument. C'est un outil de médiation. C'est exactement ça. On sait que c'est un lanceur d'alerte parce qu'on sait qu'à chaque fois c'est une catastrophe. C'est lié à une catastrophe, lié à une angoisse actuelle, donc généralement japonaise. Mais derrière les Godzilla les plus intéressants, il y a une velléité d'artiste. Moi, je sais qu'il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est le Howl Monsters Attack, donc de 69, donc qui est réalisé à nouveau par Ichiro Honda, qui est souvent le film le plus décrié par tout le monde, par au moins les cinéphiles et puis par les fans, parce que c'est un film avec très peu de moyens, très enfantin, dans lequel on va retrouver le fameux Minya, donc le fils de Godzilla. C'est vrai que c'est pas un film dans lequel il y a des combats majestueux ou quoi que ce soit. Les marionnettes, les costumes sont rapiécés, etc. Mais par contre, c'est un film absolument prodigieux sur son époque. Le Howl Monsters Attack, il s'ouvre sur un Tokyo grisonnâtre avec plein de cheminées parce qu'on est en pleine justement résilience industrielle japonaise. C'est un gamin en fait. C'est l'histoire d'un gamin qui est tout seul, abandonné plus ou moins par ses parents, parce que de toute façon ils sont de 5h du mat jusqu'à 23h au boulot, et en fait ça en dit énormément sur la société. Et Ichiro Honda, c'est un de ses films préférés, parce que justement il a utilisé cette image de Godzilla qui n'existe que dans la tête de ce gamin. Donc déjà il y avait quelque chose un peu c'est son ami imaginaire, c'est la Station Hero en fait. Il y a une démarche vraiment assez passionnante, et voilà, dans ces cas là lorsque c'est utilisé à des fins effectivement qui sortent un peu du grand spectacle, il y a vraiment une vision d'artiste derrière qui peut en dire énormément. The world is on fire. Monarch was there in San Francisco. when the whole city was coming down, these guys were taking pictures like they'd been waiting for it. You think that your father was working for them? This stuff wasn't as safe. Who are they? What's Monarch? There's a new one coming. This is the world we live in. Monsters are an inescapable reality. And it's just those files belong to us, and they are more important than you could possibly imagine. There's a new one coming. This is gonna give me nightmares. Now you can choke down that Monarch lie. About your father disappearing. Dad! Or we can find out what really happened. Before it's too late. Vous venez d'entendre la bande-annonce de Monarch Legacy of Monster, série issue du Monsterverse de Chris Black et Matt Fraction, disponible sur Apple TV et qui essaie de combler les liens entre les films Godzilla depuis 2014 et King Kong Skull Island, en attendant Godzilla et Kong pour l'année prochaine, qui vont explorer la Terre. La Terre creuse cette année, oui, cette année. Déjà. Et il va peut-être découvrir, on l'a vu la bande-annonce, des singes cousins qui l'attendent depuis très longtemps. Et la transformation en Super Saiyan Rose. Oui. Et avec Godzilla qui court. Et oui. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, la franchise du Monsterverse correspond à ce qui se faisait durant l'ère Showa dans les années 60. C'est les Américains sont en train de faire leur ère Showa de Godzilla à eux. Mais aujourd'hui, en fait. Oui, d'ailleurs, on a eu droit à Ghidorah, on a eu droit à Rodan, Mothra. On commence par des choses très sérieuses, oui. Avec des thématiques, avec le film de Gareth Edwards, et là, on glisse progressivement vers le film familial, grand public. J'attends le moment où le Monsterverse va adapter le fils de Godzilla. Alors on aura un petit Kong, déjà. Mais ça a pu être fait avec sérieux par le passé, ceci étant, parce qu'il n'y a pas eu que Minilla, il y a eu d'autres progénitures. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Généralement, en fait, dans... Un petit peu comme les films Batman, où des fois on va vers le Adam West, puis on revient au Tim Burton, puis on va vers le Michael Schumacher, puis on revient vers le Christopher Nolan, et puis on va vers ensuite d'autres projets un peu plus hasardeux. Il y a régulièrement cette idée Zack que... Laisse Zack Snyder tranquille. Mais je n'ai rien contre Zack Snyder. Il est dans un endroit avec Rebel Moon, où il a décidé de vivre. Exactement, tu veux 303 quand tu veux, Zack, voilà. Bien sûr. Mais d'ailleurs, parce que je pense que même l'histoire de Zack Snyder est un peu liée aussi à celle de Legendary, qui ont produit cette nouvelle franchise. Et justement, Legendary, c'était un peu, comme tu disais, le vrai cinéma geek moderne qui a produit les films de Christopher Nolan, qui voulait se rattacher à quelque chose de plus réaliste après Nolan pour rendre crédible, en fait, ces monstres géants. Et là, on va plus parler de théorie du complot, de Fukushima aussi. On va parler de scientifiques qui cherchent un petit peu les secrets paléontologiques d'hier. Il faut pas oublier aussi que ce cinéma de blockbuster, il s'est pris de plein fouet le 11 septembre, qui a complètement changé sa manière de percevoir les catastrophes. Ça a conditionné l'esthétique aussi. Oui, c'est la différence entre le Godzilla d'Emmerich et le Godzilla de Edwards. Ouais. On sent qu'il y a eu le 11 septembre entre les deux. Ceci dit, le Destruction Porn était revenu le fait de casser des villes américaines était revenu entre temps, mais en fait, à ce moment-là, je pense que l'idée, c'était vraiment, comme tu le dis, de ramener Godzilla à une allégorie plus tangible, peut-être plus écologiste, force de la nature et un peu moins nucléaire, parce que comme tu l'as dit, en fait, elle n'a pas été créée par la bombe cette fois-ci. Il revient à la surface parce que les radiations l'attirent, mais en définitive, c'est un motif qui se perd très vite. Et dès le suivant, on revient effectivement à des combats de monstres géants et à une comédie très américaine avec les personnages fonctions, les sidekicks rigolos, le héros très américain. Des éco-terroristes. Les éco-terroristes. Et c'est régulièrement un mouvement qu'on voit dans toute la franchise, en fait. C'est pas très différent de ce que font les Japonais. Dès l'ère Heisei, on va annuler toute la continuité et refaire un film où on va parler de tensions entre l'URSS et les États-Unis. Et puis après, Millennium arrive et ils disent, on n'a pas réussi les deux premiers. On va refaire un film avec des fantômes japonais qui se mettent ensemble pour créer d'autres Godzilla. Et en fait, ce mouvement-là est perpétuel, mais comme encore une fois, dans les comics, on a souvent des passages très sérieux qui suivent des passages plus loufoques. Et c'est régulièrement Je crois que c'est un des trucs que j'aime plutôt bien dans ce Monsterverse qui a pas tout le temps été d'une qualité extraordinaire, ça c'est clair, mais le fait que ce soit pas un truc extrêmement construit à la MCU justement, et que bon, à la limite il y a un côté cadavre écrit où chaque réalisateur va laisser un peu en plan la séance et puis que ce sera à l'autre de recoller les pièces, ça c'est clair que c'était déjà le cas dans l'ère Showa donc japonaise, mais oui, ce côté un peu foutraque où chacun va ramener, enfin je serais absolument pas surpris que si le prochain Godzilla versus Kong se casse la gueule, bon, ça a pas l'air d'être parti pour, mais bon, pourquoi pas, que ce soit repris derrière par un mec plus autorisant, enfin qui en fasse complètement autre chose. Donc ça à la limite c'est ce qui est cool, et c'est ce qui n'arrivait plus, même si j'aime beaucoup avec le MCU, parce que effectivement il y avait un côté très très très lisse, c'est ce qui rend le MCU passionnant, le fait qu'il y ait eu cette construction industrielle complètement hallucinante. Après, justement, il faut aussi noter que dans cette grande bataille de studio pour créer des univers partagés pour concurrencer Marvel Studios, le Monsterverse est la seule véritable, en dehors de Star Wars qui existait déjà avant, mais non, on peut pas dire ça, mais c'est le seul objet qui continue d'exister et qui continue d'avoir des projets. Ouais. On a Monarch, on a le prochain Godzilla X-Kong. Donc après, artistiquement, attention, je suis pas en train de dire que... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Fred. En fait, c'était une mode donc, qui est apparue après le succès d'Avengers, l'idée qu'il fallait des univers partagés. D'ailleurs, même Legendary avait commencé à poser un peu les billes de ce qui n'a pas été le Dark Universe avec des films comme Dracula. Avec la momie. Avec la momie. Moi, c'est plus, j'ai tendance à ne pas voir ça comme un univers, ça reste les deux mêmes personnages à chaque fois. C'est juste un dialogue entre deux créatures qui se croisent depuis, dont l'origine est liée. On n'a pas encore eu, quand ils feront un film Mothra, juste sur Mothra, comme ça a été fait au Japon à maintes reprises, un film sur Rodan, un film sur Gigan, sur Megalon, sur Space Godzilla, il n'y a pas de souci. On peut. Alors, il faut que je précise aux auditeurs que tous les noms que cite Olivier Corentin sont des kaiju qui ont tous eu droit à des films, voilà, au fur et à mesure des 70 oui, ans d'existence. Soit en antagoniste, soit en héros, effectivement. Voilà, moi c'est là que je parle pas d'univers partagé, c'est vraiment juste deux personnages qui vont se croiser. C'est comme si justement le DCU s'était arrêté à l'idée de faire des films Batman et Superman et de temps en temps de les croiser l'un à l'autre. C'est pas une vraie réussite dans le sens où le premier film reste le plus rentable, et où il y a eu des stratégies qui ont été adoptées, je pense. Enfin, Legendary, c'est un studio donc, qui a été racheté par un groupe chinois, le Wanda Group, en 2016, donc 2 ans après le Godzilla. Et on sent quand même cette bifurcation dont tu parlais, le fait qu'il y a eu un côté cadavre exquis, et que la production s'est réorientée vers l'idée de conquérir le public chinois, qui reste le public à domicile pour eux, avec des codes de blockbusters américains qui sont faits pour cibler les Chinois. Et on sait que c'est un public qui est attaché à certaines valeurs. Voilà, ils aiment bien les films Venom, ils aiment bien les films Aquaman. Mmh. Ils aiment bien quand c'est coloré, tonitruant et un peu bête. Ça leur plaît. Et effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs chinois qui rentrent dans ces films-là. Parce que voilà, c'est devenu en fait une production qui est plus localisée. Et je pense aussi qu'il peut-être du coup n'a plus du tout la vocation de faire un film post en septembre, de faire un film même écologique en un sens. Je veux dire, le film Godzilla vs Kong, il a rien d'écologique. Il emprunte des éléments à Edgar Rice Burroughs, ceci dit, avec La Terre Creuse et à Jules Verne aussi. Mais derrière, enfin, et puis c'est quand même très bizarre comme séquence, je trouve. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Après, il y a aussi toute la question de la pertinence de la licence Godzilla dans le Monsterverse, c'est-à-dire que le fait d'intégrer King Kong dans cette franchise a été décidé à un moment donné, alors que c'était pas le plan de départ. C'est parce que Legendary a pu sécuriser les droits de Kong, qui se sont dit on va faire Skull Island, puis ensuite Godzilla versus Kong, et c'est l'échec du deuxième film Godzilla roi des monstres, qui a incité à ce que finalement maintenant on ne fasse que des films Godzilla versus Kong ou Godzilla X-Kong. Mais l'échec partiel du deuxième Godzilla, donc de Michael Dougherty, est dû aussi au fait que le film de Gareth Edwards a été un succès, mais que son approche, qui était beaucoup axée sur la suggestion et sur presque générer une frustration auprès du public du fait qu'on voit pas beaucoup les créatures, a fait que les gens ne sont pas forcément allés voir le deuxième parce qu'ils s'attendaient à voir le même film en fait. Mmh. Donc en fait on se dit, bon, on est sur les 70 ans de Godzilla, il faut sortir un film Godzilla en 2014, en l'occurrence c'est celui-là, Godzilla X-Kong The New Empire, mais on va pas se mentir, le Monsterverse tient parce que c'est Godzilla et Kong, en fait. Mmh. C'est comme si DC faisait que des films World's Finest ou Batman Superman, oui, en fait, oui. Comme tu l'as dit. Et il y avait déjà eu une américanisation de Godzilla avec ce film de Roland Emmerich, réalisateur d'Independence Day, qui, je l'ai lu dans votre excellent ouvrage, lui n'aime pas Godzilla initialement. C'est dans le tien, ça, en fait. Ça, c'est dans le mien, ouais. ouais. En fait, moi, je pars du principe. Alors, effectivement, il y a eu quelques citations dans lesquelles. Enfin, je sais pas s'il aime ou pas Godzilla, à la limite, peu importe. Mais en tout cas, c'est sûr que son approche. Il a dit, moi, les films avec des Casimir en caoutchouc qui se tapent dessus, ça m'intéresse pas. Donc, on a vite compris que Roland Emmerich, en 98, un an avant, lorsqu'il a démarré la production et qu'il a accepté le projet, chose qui ne s'est pas fait très rapidement, parce qu'au début, il n'était pas intéressé, il voulait faire son Jurassic Park, hein, tout simplement, parce qu'à l'époque, on pouvait éventuellement considérer que c'était une alternative à Steven Spielberg. Bref, gros guillemets. Donc, effectivement, alors moi... D'ailleurs, lui, il l'évoque comme ça, même dans Godzilla, on voit carrément écraser la patte de Godzilla écraser un dinosaure. Dans une des bandes-annonces, il écrase un dinosaure, voilà. Enfin, c'est très subtil, hein, donc on a tous bien compris. Oui, alors, en résulte quelque chose qui est... malgré tout, alors donc c'est oui, on est d'accord que c'est pas un Godzilla canonique, on va dire, dans le sens où l'icône qu'il représente ressemble beaucoup plus à un gros dinosaure qu'autre chose, etc. Enfin, on pourrait, je pense que tous les fans ou tous les cinéphiles sont passés dessus largement. Par contre, ce qu'il en résulte, je trouve que c'est une super adaptation, paradoxalement, du Monstre des Temps Perdus. Je trouve qu'il s'en rapproche beaucoup, et quelque part, il y a une espèce de revival de cette SF monstrueuse des années 50-60 qui me déplaît pas du tout, quoi. Bah en fait, le producteur du film, Dean Devlin, a déclaré que les deux films sur lesquels ils ont travaillé quand ils ont conçu leur scénario, c'était King Kong et Le Monstre des Temps Perdus, effectivement. Mais c'est vrai que ce Godzilla est très étrange, parce que les Japonais de la Toho ont quand même validé le design de Patrick Tatopoulos, en fait. Mais ce qui est absolument hallucinant, voilà, quand on sait comment fonctionne le Japon en termes de validation sur tout ce qui... tout ce qui a attrait à leur culture. C'est les années 90. Ouais, c'est ça. Oui, c'est... mais je sais que Patrick Tatopoulos en a parlé. J'ai vu un tweet passer il y a pas très longtemps où justement où il disait que quand les ayants droit de la Toho ont vu le design final de Godzilla, il y a eu un grand moment de silence ils ont été pris par le temps et il dit on ne peut rien changer là en fait. Il faut se remettre dans le contexte. C'est Roland Emmerich. Vas-y. La licence, enfin justement le film n'était pas encore sorti, donc jusqu'à en 97, avant la sortie du film, Godzilla est populaire au Japon, évidemment. Il est populaire aux États-Unis parce qu'il passait en troisième partie de soirée, soit dans les drive-in, soit à la télé, etc. Certes, il y a un cœur de fans, mais par contre, c'est pas encore, hélas, l'icône mondiale de la pop culture qu'il est aujourd'hui. Clairement, je pense que les négociations avant le film de Roland Emmerich et après l'argent qu'a ramené et le revival de la franchise. D'ailleurs, tous les films japonais qui sont sortis après, donc de l'ère millénium japonaise, donc à partir de 2000, ils doivent leur existence uniquement au succès du film de Emmerich. Hein. Je pense que les négociations étaient aussi probablement beaucoup plus faciles avant... Olivier Corentin. Et puis il faut se remettre dans le contexte, Roland Emmerich à l'époque c'est les années 90, c'est Armageddon, c'est Independence Day, c'est pour la Toho c'est une chance inespérée. Avant ça il y avait un autre projet par Yann de Bont, le studio ne voulait pas financer, je crois que c'était à hauteur de 80 à 100 millions, Emmerich a eu beaucoup plus que ça pour faire son film parce que c'était un vrai blockbuster. On était encore à l'époque des James Cameron, des Michael Bay, des Steven Spielberg et Roland Emmerich était un mec qui pouvait s'asseoir à la table de ces gens-là. Alors effectivement, lui était pas fan de Godzilla, et clairement, c'est un film Jurassic Park, c'est un film Made in Black, c'est un film qui fait très Sony, très post-années 80, fin 90, début 2000. Mmh. Il a été marketé comme ça, avec la chanson de Puff Daddy, avec... Jamiroquai, Deeper Underground. Voilà, avec le partenariat avec Taco Bell, il y a eu tous les éléments qu'il fallait. Ce que les fans lui reprochent principalement, parce qu'au demeurant, ça pourrait être un blockbuster comme les autres. C'est Mathieu Roderick qui a pas de correction sur ses lunettes. Ça m'obsède. Moi qui suis belou, je ne supporte pas. Arrêtez de faire ça. Alors Mathieu Roderick a pris beaucoup parce que c'est le visage du film, en vérité. Mais c'est surtout que Godzilla n'est pas Godzilla. C'est un animal géant qui se comporte comme un animal géant. Il peut être vaincu par des missiles, par un armement humain standardisé. C'était une des phrases d'un président de la Toho qui avait dit c'est quand même assez amusant de voir que les Américains ne peuvent pas comprendre qu'il existe des créatures qui ne peuvent pas être tuées avec leurs armes. Et ça, effectivement, ça montre bien le problème de philosophie entre les deux. On était avant 2001, tout simplement. Ouais, moi, c'est ce que j'adore dans ce film de 98 et le film de 2014, qu'on les met l'un en face de l'autre, c'est qu'on a vraiment l'archétype du film pré-2001 et post-2001. Quoi. Enfin, celui où les États-Unis considéraient qu'on peut le tuer. Voilà, exactement. Voilà. Et puis en 2014, par contre, on a carrément changé le fusil d'épaule. Et le film d'Emmerich, je dis oui, c'est la plus grosse attaque depuis l'attentat du World Trade Center, mais c'était un autre attentat qui avait eu lieu au World Trade Center le 11 septembre. Mais c'est aussi, ce film-là est passionnant parce que dans les années 90, je pense qu'ils se sont dit, bon, on va pas faire de fanservice, on va reprendre le concept à zéro, en fait. Quitte à le... à le détourner légèrement. C'est comme si on s'était dit, bon, faisons de Spider-Man un personnage avec un costume jaune et vert qui peut grandir et avoir des pattes d'araignée quand il devient géant. Par exemple, il a des pouvoirs araignées parce qu'il est allé en Amazonie. C'est ça. Et voilà. voilà. Oui. Ah zut, c'est un film qui va sortir cette année. C'est vrai pour les vrais cette référence, oui. Bravo. Donc voilà, mais c'est intéressant. Si encore une fois, moi je mets souvent Godzilla en lien avec Spider-Man, puisque les Japonais eux-mêmes avaient fait une version de Spider-Man où il avait ses pouvoirs d'un extraterrestre de l'espace. Il avait un robot, mais le costume est là, le personnage est là avec ses pouvoirs. Or, c'est vrai que ce Godzilla, il est à l'opposé de ce que doit être Godzilla. Là, il est très fin, il court, agile. Il pond des œufs. C'est une créature asexuée, mais quand même, ça a donné une série animée. Oui, tout à fait. Qui est dans le cœur. Qui est juste ici, effectivement. Parce que Olivier Corentin, grand fan de la série. Je crois que je la préfère même au film avec le recul, en fait, puisque extra série animée, donc qui est la suite, la seule suite, parce qu'au départ, ça va être une trilogie. Ouais. Le film Godzilla dans le qui donc n'a pas eu lieu parce que les critiques ont répondu qu'il ne fallait pas. C'est ce que les Ebert notamment, c'est pour vous. Et à l'époque, il y avait cette boîte au sein des studios Sony qui s'appelait Adelaide Productions et qui travaillait ou qui distribuait beaucoup de séries qui étaient basées sur les franchises de films Sony. Notamment, donc il y avait la série animée Jumanji qui est à mon sens presque meilleure que le film, encore une fois. La série Men in Black, merveilleuse série Men in Black animée, qui est encore une fois une suite et qui est presque plus intéressante que Men in Black 2 et 3. Je crois que c'est des séries où Jeff Matsuda qui est passé sur quasiment toutes. Et là aussi, qui a commencé en dessinateur de comic book et ensuite qui est parti travailler dans l'animation. C'est aussi lui qui a travaillé sur Jackie Chan. Exactement. Mais d'ailleurs, c'était peut-être aussi une Adelaide. Enfin, ça devait être dans le même consortium. Et on a aussi beaucoup de scénaristes de comics qui ont travaillé là-dessus, notamment Len Wein et Marv Wolfman qui étaient rentrés dans le créateur de Wolverine. Tout à fait. L'écriture de dessins animés avec Batman. Richard Higgins aussi, des Simpsons aussi qui étaient dessus. Et cette série animée, justement, est beaucoup plus fidèle, en fait, au film, enfin, au Godzilla japonais, puisque, justement, Godzilla... Alors, ça va être, entre guillemets, l'animal de compagnie de Nick Tatopoulos, qui n'a plus ses lunettes, et d'une espèce de Godzilla Squad qui va l'accompagner aux quatre coins du monde pour combattre des créatures, donc des kaiju, qui apparaissent, souvent liés à des thèmes naturels, et qu'on va avoir, donc, ce festival de monstres géants dont on l'attendait, et il a récupéré son souffle atomique, enfin, qu'il n'avait pas dans le film, qui crachait une sorte de gaz de raw, d'avoir trop digéré de poisson, enfin, c'était... voilà. Donc, cette série animée qui était assez géniale, qui a duré que deux saisons, malheureusement, mais qui était une belle preuve que, justement, il est possible de faire, en fait, un Godzilla américain, même ce Godzilla américain, de manière beaucoup plus fidèle et respectueuse. Et je pense que pour beaucoup de gens de cette génération-là, ça a aussi, justement, montré l'intérêt des combats de monstres géants pour les enfants que nous étions. Et d'ailleurs, Monarch, vous le disiez pendant un extrait, tente, avec plus ou moins de succès, de refaire ce que le dessin animé avait fait, le dessin animé de Godzilla, c'est-à-dire de créer voilà, un groupe de jeunes qui évoluent au milieu de monstres géants. Ça a toujours été le cas en fait des adaptations de télé de Godzilla aux États-Unis, parce qu'il y avait aussi une série animée Hanna-Barbera produite en 1978 où c'était déjà un groupe de jeunes dans un bateau qui suivait Godzilla. Ils avaient d'ailleurs un petit Godzilla Scooby-Doo avec eux qui était Godzuki, qui était un petit Godzilla qui avait des petites ailes et pouvait voler. Mais c'est vrai que avec Monarch, donc la série spin-off du Monsterverse, on a ce groupe de jeunes qui doivent enquêter donc sur cette grande organisation tentaculaire qui surveille les titans hein, comme ils sont appelés dans cet univers. Et c'est vrai que ils voyagent d'un pays à l'autre, d'un épisode à l'autre pour surveiller Godzilla, pour le trouver. Et des fois ils dénichent d'autres kaiju, mais il y a aussi un mystère humain hein, au cœur de cette série qui est très très intéressant. Alors, en fait, c'est une super série Monarch sur les galeristes d'art à Tokyo, sur le télétravail, comme quoi Godzilla est toujours lié aux commentaires sociaux. Hein. Donc là, en l'occurrence, la grande thématique de la série, c'est le télétravail. Voilà. Et sur le fait de voyager en première classe de manière illimitée si vous êtes financé par Monarch, en fait. Très très bien. J'adore. Hein. Moi, il y avait des aéroports que j'avais jamais vus. Alors là évidemment on a parlé de l'américanisation de Godzilla, on a parlé aussi donc de ce film Godzilla post 11 septembre de Gareth Edwards, mais au Japon il y a eu une nouvelle ère qui se rapproche de nous et on va l'écouter sonorement. Hop. 巨大不明生物が停止。突如進行停止した模様です。 停止？なんだ急に。すごい。まるで進化だ。 Un extrait de Shin Godzilla, baptisé en France Godzilla Résurgence, film japonais de Hideaki Anno et Shinji Higuchi, sorti en 2016, désormais disponible sous nos contrées en DVD et en Blu-ray. En DVD, je crois que le dernier numéro de Mad Movies vous permettait de l'avoir. Moi, c'est comme ça que j'ai pu enfin faire l'acquisition. Et vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller de voir ce film. Parce que bah c'est quand même une grosse claque. Et oui. Il est aussi disponible sur Filmo. C'est pour les gens qui ne veulent pas adhérer au support physique. voilà. Et il sort en Blu-ray chez Spectrum Film. Et Nicolas voilà, et moi avons travaillé sur cette sortie. Voilà. Achetez-le. S'il vous plaît. Oui, alors film incroyable aussi, puisque là on revient dans les années 2010, et c'est vrai que Toho avait contractualisé avec Legendary Pictures pour faire des films aux États-Unis, mais ils avaient aussi le droit eux-mêmes de faire leurs propres films au Japon, mais il fallait pas que ça tombe en même temps que les films américains, que la même année. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher Toho, ils se sont associés avec une société qui s'appelle donc Ciné Bazar, qui avait déjà produit des films d'Hideaki Anno. Ils sont allés chercher Hideaki Anno, donc bah, le grand créateur de torturé, tourmenté de Evangelion, pour faire cette nouvelle version de Godzilla. Anno qu'on va associer à Shinji Higuchi, pareil, qui est un ami de longue date de Anno, mais aussi un grand créateur d'effets spéciaux, hein, puisque c'est à lui qu'on devait les effets spéciaux, notamment de la trilogie Gamera que Nicolas a mentionné tout à l'heure. Et qui avait fait les films Shingeki no Kyojin en oui, image. Voilà. L'attaque des titans. Des titans en 2015, qui avait reçu effectivement une appréciation assez mitigée. On était vraiment dans cette grande tradition d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un réalisateur une patte artistique et un spécialiste des effets spéciaux. Dans ce cas-là, voilà. Higuchi, c'était vraiment le spécialiste des effets spéciaux. Et c'est vrai que là, la Toho se disait, bon, on ne va pas prendre un réalisateur qui a été formé et contractualisé au sein de notre studio, mais on va prendre effectivement quelqu'un qui vient de l'extérieur. Alors c'était déjà le cas de Ryuhei Kitamura sur Godzilla Final Wars en 2004, hein. Mais là ils se sont dit, bon, on a une carte à jouer, il faut vraiment prendre aussi des gens qui viennent de l'animation, qui vont repenser cette franchise autrement et lui donner une pertinence au sein du Japon. Les Américains, ils ont leur Godzilla de Legendary qui est un peu le vieux sage protecteur de la Terre. Là, on va redonner à Godzilla sa fonction métaphorique, son caractère effrayant, mais en le contextualisant. Oui, parce que c'est un Godzilla qui, de toutes les versions de Godzilla que j'ai pu voir, anciennes et... C'est sûrement celui qui me fait le plus peur. Oui, bien sûr. Que dans son côté inexpressif et cette gueule énorme qui s'ouvre, il a quelque chose presque de diabolique. Oui, c'est la première fois que des réalisateurs sont vraiment autorisés à montrer un Godzilla évolutif. Il faut savoir que, surtout depuis le film de Emmerich, il y a une charte à la Toho qui est imposée, une sorte de mémo. On vous dit, voilà, Godzilla, il doit être comme ça, il doit avoir trois orteils ou quatre orteils, la queue doit être comme ça, trois colonnes d'épines dorsales, et il ne faut pas déroger à ces règles-là. Parce que, bon, non seulement il faut respecter le personnage, mais aussi il faut vendre des figurines. Hein, Ouais, et puis il y a un côté aussi, enfin, moi je vois ça pas que comme un caprice de la Toho, il y a vraiment le côté ne racontez pas les origines. Oui, c'est ça. On ne veut pas savoir d'où vient Godzilla, parce que sinon on commence à le désacraliser. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le film d'Emmerich. Là, on veut que... alors, c'est marrant, puisque dans Shin Godzilla, justement, les origines, elles sont disséminées un petit peu de manière subtile. C'est vraiment typiquement Anno, ça. C'est histoire de faire travailler un peu le cerveau des fans, quoi. Mais en tout cas... Ce scientifique qui disparaît sur son bateau, notamment. Voilà, exactement. Il y a une théorie, etc., qui est assez marrante. Oui, quand vous verrez le film, il y a un scientifique... suivez bien l'histoire de scientifique, voilà. Parce que... Gros maquis. Voilà. Il est essentiel pour la compréhension, pour les clés que Anno nous donne pour comprendre d'où vient ce Godzilla. Et c'est vrai que... Pardon, vas-y. La première... enfin, le premier choc, mais tu, enfin, c'est exactement ce que tu disais, Frédéric, c'est le premier choc quand on voit Shin Godzilla, c'est son apparence. Et je crois que c'est le premier, première chose absolument géniale parce que justement, bon, il y a eu avant lui 28 films, dans lesquels, bon, à moins d'être fan hardcore, on sait pas forcément reconnaître, ah ouais, c'est bon, Godzilla, ok, d'accord, il ressemble à ça, etc. Ils sont tous plus ou moins pareils. Alors, il y a eu un peu de repimpage en 84, etc. Mais là, il y a pas photo. Enfin, on sait que c'est Shin Godzilla. Enfin, c'est-à-dire qu'il a vraiment son apparence unique, effrayante, cette stature presque statuée. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Le côté trépied, c'est-à-dire une grosse base. Voilà, exactement. C'est le plus haut. Aussi, il est plus haut. Il est plus grand que celui du Monsterverse. Hein, très important quand même. On est encore dans un truc très masculin. Toujours. Le mien, il est plus grand que le tien. Hein. Exactement. Donc il y avait déjà cette première volonté, c'était de marquer la rétine. Enfin, c'est-à-dire tout de suite, comme dit Fabien, l'objectif c'est aussi de vendre des figurines. Et là, on voulait avoir la figurine du Shin Godzilla à côté de celle du Godzilla 54. Quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un film en plus. Les histoires de taille, c'est aussi dû notamment au fait que les immeubles de Tokyo sont de plus en plus grands, donc il faut que Godzilla soit aussi de plus en plus imposant. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure des décennies, il est passé de 50 mètres à 150 mètres. Mais Shin Godzilla est un projet passionnant parce que c'est la réinvention du personnage dans le Japon post Tohoku, post Fukushima, et on l'a déjà évoqué, mais c'est vraiment d'ailleurs c'est le film qui parle le plus de l'événement tout à fait. D'abord, il y a eu d'autres films sur le sujet qui l'ont abordé de manière frontale, mais encore une fois la politique fiction et la métaphore sont plus évocatrices que le rappel direct des événements. Mais c'est vrai qu'après, c'est un film qui s'intègre tout à fait dans la carrière d'Hideaki Anno sur sa manière de penser les cadrages, le montage, sur toujours, on va avoir un point de vue sur une photocopieuse, il faut que j'en parle à chaque fois. on va avoir aussi une espèce de réflexion par rapport à des personnages qui, à un moment donné, doivent être proactifs dans le récit, même s'ils ne le veulent pas forcément. Mais c'est aussi inspiré des films de guerre de Lato, puisque là, en l'occurrence, ils sont inspirés d'un film qui s'appelait Le jour le plus long du Japon, qui raconte comment l'état-major japonais, le gouvernement et les autorités militaires vont devoir faire accepter au public que le Japon doit s'engager sur la voie de la reddition. Et c'est un film qui est tourné de manière... C'est un film de Kiyoshi Okamoto. D'ailleurs, il y a un hommage à lui dans Shin Godzilla, puisque la photo du fameux scientifique Dr. Maki, c'est Kiyoshi Okamoto. Et en fait... C'est tourné pareil en huis clos avec des grosses scènes de réunion où les gens. Oui, parce que voilà. Il faut le préciser, Olivier Corentin, dans Shin Godzilla, ce qui marque, ce qui est presque plus terrifiant que Godzilla, c'est la lenteur administrative et ces gouvernements où t'as différents ministères dans la même salle, la diète. Tout à l'heure, tu parlais du côté satiriste. Pardon, c'est clairement le film qui est le plus satiriste et le plus ouvertement global sur la société japonaise au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on va te parler juste, on va présenter des premiers ministres qui sont plus ou moins inspirés de Abe, etc., qui sont vraiment des hommes de paille au service de cabinet, qui, le seul truc que c'est du premier ministre, c'est Wakata. C'est, j'ai compris, je vais appliquer ce que vous venez de me dire. On a le rapport avec les États-Unis, cette espèce de relation ambivalente, de relation amour-haine entre... Oui, de tutelle qui voilà, dit pas de son tutelle nom, qui est encore. Une réplique très, très forte qui est l'après-guerre n'a jamais arrêté, en fait, pour cette relation entre les États-Unis et le Japon. Mais justement, est-ce que c'est pas un élément de réponse sur ce devoir de mémoire dont on parlait pour les Allemands, notamment, qu'ils ont eu la possibilité de faire? Est-ce que, justement, le fait qu'on se rende compte que le déterminisme militaire et sécuritaire soit toujours plus ou moins sous tutelle américain, fait qu'ils ont ils continuent de payer en fait. Ils continuent de payer cette constitution japonaise donc qui a été mise en place partiellement par Douglas MacArthur donc qui comporte ce fameux article qui empêche le Japon d'avoir une... En tout cas, empêche le Japon aujourd'hui, puisque l'article a été révisé depuis dans les années 50, mais empêche le Japon d'intervenir avec sa force armée dans un territoire extérieur, ce qui n'est pas plus vraiment exactement le cas, puisqu'ils sont quand même intervenus sur certains théâtres d'opérations dans les années 90 et dans les années 2000. Néanmoins, c'est vraiment vu comme quelque chose de très castrateur. Mais de toute façon, Shin Godzilla, c'est effectivement le film un peu somme sur le retour d'expérience de la gestion de Fukushima par le premier ministre d'alors et par la problématique de décision. C'est un film passionnant sur le rapport de la classe politique par rapport au peuple japonais, c'est-à-dire qu'on voit cette couche politique complètement angoissée à l'idée de d'émettre quelque chose qui pourrait déplaire au public, en tout cas aux électeurs. Et puis c'est le film qui gère de plein front effectivement les relations très très complexes extrêmement complexe entre le Japon et les États-Unis, sachant qu'aujourd'hui, on aimerait en faire quelque chose de très manichéen, Japon-États-Unis, alors que c'est d'une complexité extraordinaire. Le Japon, c'est, et le film se termine un peu comme ça, c'est-à-dire que le Japon sait très bien qu'ils sont sous joug, c'est un peu le caniche hein, des États-Unis, qui a jamais pu faire son émancipation comme l'Allemagne. Mais d'un autre côté, vu la politique extérieure actuelle, avec la Chine à côté, la Corée du Nord, la Russie, le Japon sait plus que jamais qu'ils ont besoin des États-Unis, au contraire qu'ils ont besoin de solidifier. Donc le film se termine complètement là-dessus, donc Shin Godzilla. Voilà, on a vraiment cette complexité dans les relations entre ces deux mastodontes là qui un travail d'amour, haine, passion, une histoire d'amour un peu bizarre quoi. Et aussi une illustration de la puissance militaire avec plein de plans sur des hélicoptères, des tanks, des trains qui attaquent Godzilla. En lisant votre livre, Nicolas, ça m'a fait penser à la scène de gun porn dans Predator, où John McTiernan a été sous pression des producteurs qui lui disaient mets-nous des armes, Arnold Schwarzenegger, mets-nous des armes dans Predator. Et il s'est dit, mais ça ne sert à rien. Ben, vous voulez des armes, vous allez en avoir. Et il y a cette scène mythique où il rase. Oui, tire dans le vent. Il rase un morceau de la jungle pour tuer le Predator. Mais ça ne sert à rien. Mais les gens étaient contents parce qu'ils avaient eu plein de flingues qui tirent à tout va. Et là, j'ai eu l'impression que le gouvernement japonais réagit de la même manière avec les tanks et les hélicoptères. Oh, regardez, ouais. C'est la puissance japonaise. Chez Anno, il y a quelque chose d'un peu ambivalent là-dessus quand même. Mais disons qu'il y a malgré tout un certain fétichisme. Alors il y a toujours cette tradition du fétichisme sur les maquettes. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que tous ces tanks, tous ces hélicoptères n'ont jamais autant ressemblé à des maquettes que dans Shin Godzilla. Mais ça, c'est vraiment le côté très otaku de Anno qui en ressort. Il y a quand même quelque chose d'assez cathartique au fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il faut savoir que je sais plus, je crois que l'avion en question, alors j'ai plus le modèle de l'avion, je suis désolé. C'est un modèle qui existe vraiment, qui est vraiment dans l'armée japonaise et qui n'a jamais été utilisé. Donc il y a quelque chose de cathartique à pouvoir enfin l'utiliser dans un film. Et à enfin pouvoir balancer le premier missile, quoi. Donc voilà, le cinéma venge le réel. Exactement. Bah oui. Et en fait, on a toutes ces armes qui n'ont. D'ailleurs, à un moment, ça fait. Enfin, il en est fait mention dans le film. Il y a deux trois jeunes militaires qui se disent ah mais on va vraiment tirer avec les trucs là. Enfin, donc c'est voilà. Bon, il y a quelque chose. On est toujours sur cette limite où on a envie nous aussi d'avoir notre armée parce que il y a une certaine légitimité. C'est pas quelque chose de va-t-en-guerre. Enfin, c'est une légitimité à avoir sa puissance, à avoir le droit de se protéger, etc. Oui, puis même ça, après, on peut rentrer dans des débats très intéressants sur pacifique ou non, mais ça, le fait qu'un pays ait droit à son armée, ça, c'est tout simplement le stigmate de son déterminisme, de son autonomie. Absolument. Ça veut dire que le citoyen qui vote a la possibilité de choisir de se défendre ou non. Voilà. Et c'est en termes de symbole d'autonomie, c'est presque malheureusement un des rares moyens d'assurer la souveraineté d'un peuple, c'est est-ce qu'il a le moyen de se défendre. Exactement, ben oui, mais c'est toute l'ambivalence de cette question déjà à laquelle Anno ne répond pas forcément puisqu'il a pas forcément la réponse, mais en tout cas il remet ça un petit peu. T'as quand même cette scène avec justement les vrais débats qui ont vraiment eu lieu au Parlement japonais sur l'interprétation de l'article qui permet au Japon de se défendre en cas d'attaque et où le texte est vraiment mis au premier plan. C'est vraiment un des thèmes sous-jacents du film quand même. Il y a eu toute une histoire entre la FAD, enfin la force d'autodéfense japonaise et les films Godzilla, où généralement souvent ils prêtent du matériel depuis. Oui. Mais ça c'est la grande question de l'interprétation de l'article de la Constitution japonaise justement. D'ailleurs chose amusante, peu après la sortie du film, il y a eu une interview du ministre de la Défense pardon qui était anciennement ministre de l'Agriculture. C'est vous dire, c'est une grande tradition ça au Japon. donc j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais celui de 2007. On lui avait posé la question, mais alors en vrai, comment ça se passerait si demain Godzilla il arrivait vraiment au Japon? Et il disait le problème c'est qu'effectivement on pourrait pas l'attaquer. Aujourd'hui, légalement, on pourrait pas parce que Godzilla n'a pas été missionné par une puissance étrangère. Donc, si Godzilla a un petit drapeau russe, je sais pas quoi, il y aurait pas de problème. Oui. Par contre, en l'occurrence, là, non, on pourrait pas. On serait obligé d'attendre qu'il y ait une intervention des États-Unis. Mais c'est vrai que ce film-là, en plus Shin Godzilla, je trouve répond à un autre film qui lui est un film des années 90 qui est Patte Labor 2, qui a abordé exactement les mêmes sujets, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette question effectivement du japonais qui doit se protéger ou non, surtout que là, on est dans une société futuriste où il y a des mechas. qui a cette technologie-là, mais il y a cette idée à un moment donné de paralyser le pays pour savoir est-ce qu'on peut riposter et attaquer, mais tout en ayant recours, là on est chez Mamoroshi, avec une sublimation de l'appareillage militaire en fait. Et ça, c'est passionnant. Mais ce qui est aussi intéressant dans Shin Godzilla, c'est qu'à un moment donné, on est quasiment dans un remake de Evangelion. C'est-à-dire, les 20 dernières minutes, on est sur un remake de l'épisode 6 avec l'opération Yashima, qui vient ici, l'opération Yashiori. On va mobiliser tout le BTP du Japon pour stopper la créature. Oui. Voilà. Et même jusqu'à la créature, dans son plan quasi final, qui tient vraiment de si vous avez vu Evangelion, Godzilla est devenu une sorte d'ange. Bah oui, absolument. Oui, puis aussi il y a quelque chose de très métaphorique par rapport à la place géographique de Godzilla dans Tokyo, puisqu'il y a une statue de Godzilla à Ginza, et là on a l'impression de voir la version géante de cette statue qui est là en mode en fait Godzilla est là et on devra toujours cohabiter avec lui. Hein. Bah c'est aussi pareil pour le post-Fukushima, justement l'idée que c'est plus un monstre qui va revenir vers la mer et qu'on va oublier pendant 5 ans. Exactement. Maintenant il vit avec nous au quotidien, on ne peut plus l'oublier. Oui, et puis c'est vrai que ça casse l'image du Godzilla qui repart toujours vers la mer. Oui. Là c'est vrai qu'il est toujours posé là. Quoi. また悪い夢。ご両親空襲でやられたようです。兄さんも私と同じね。親子共々縁あってこうして引き取ったんだから。だから私はどんなことがあっても死んではいけない。 大島だ。ゴジラですよね。あんなもん倒せっこありません。東京がまた火の海になるのは見たくない。戦争が終わってないんです。今度の戦いは未来を生きるための戦いなんです。 ゴジラ -1 C'était la bande-annonce de Godzilla Minus One, tout dernier film qui met en scène Godzilla, réalisé par Takashi Yamazaki, sorti en salle au Japon en novembre 2023, et qui ressortira sur les écrans français du 17 au 31 janvier. Et donc voilà, vu qu'on n'a pas eu la chance de l'avoir longtemps en exploitation, parce que film qui cartonne aux États-Unis en ce moment. Ah oui, tout à fait. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est très difficile de parier sur un succès de blockbuster aux États-Unis, mais c'est vrai que là, pour une sortie, on va dire entre guillemets de niche, le film a déjà récolté plus de, je crois, de 41 millions de dollars sur le sol américain. Je crois dans la semaine, je crois on est même à 60 millions pour un total cumulé actuellement là de 81 millions pour un box-office international, ce qui est énorme. Pour un budget de 15 millions. Ouais, entre 10 et 15 millions, en fait. On n'a pas le chiffre précis. Mais là, il y a des producteurs contents. Quelque part sur cette planète, il y a des producteurs contents. Ils ont bien mangé à Noël. Donc là, ils sont très très contents. Surtout que le film n'a pas aussi bien marché au Japon que Shin Godzilla. Je crois qu'il a fait un petit peu plus de la moitié du score de Shin Godzilla. Mais c'est vrai que c'est ce succès américain qui a pris tout le monde de court. Et je crois même que c'est, je veux pas dire de bêtises, mais c'est le film japonais le plus vu sur le territoire américain. Ça reste quand même un film en VO sous-titré, un film japonais en VO sous-titré en anglais, qui est une nouvelle version de Godzilla, mais qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, à un moment donné, c'est très très particulier d'expliquer ce succès. Je pense que les spectateurs américains avaient quand même envie d'un grand spectacle de qualité. Après, on pourra toujours discuter sur le contenu du film et ses orientations. Les Américains, ils sont pas là, de toute façon. Les Américains sont pas dans le film. Donc, ils sont évoqués, ils sont quand même un peu responsables. Mais l'occupation japonaise, des États-Unis sur le Japon n'est pas du tout évoquée. Là, c'est vraiment le Japon qui se reconstruit presque tout seul, même sans gouvernement des maisons, parce que le gouvernement n'agit absolument pas. Il y a pas de gouvernement. Le gouvernement était américain de toute façon. Là ça c'est amusant cette reconstruction narrative. Et ce qui est marrant, c'est de voir la réception de Shin Godzilla aux États-Unis, qui a été compliquée quand même. Pour le coup, Shin Godzilla a été vu quand même comme un film très très ancré anti-américain, alors que ça se discute complètement. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que Godzilla Minus One qui efface qui éradique complètement la présence des États-Unis, alors que je ne sais plus combien il y avait de millions d'Américains sur le sol japonais, notamment dans le quartier qui se fait attaquer, sans vouloir trop déflorer le film. Ouais. Donc là, ils sont complètement rayés de l'équation, et là, pour le coup, c'est un carton aux États-Unis, donc c'est difficile à capter, mais c'est pas grave. Le film marche, donc c'est cool. Après, je pense que le film fonctionne parce que le focus du film, c'est une famille, en fait. Et quand on sait l'attachement des Américains sur la thématique familiale, je pense que c'est ça aussi qui a ancré le récit chez eux, et le fait que des gens qui ne sont pas forcément sensibles à la saga Godzilla soient allés le voir, je pense qu'ils se sont accrochés à ce groupe de personnages. J'explique juste aux auditeurs qui ne sauraient pas encore de quoi parle Godzilla Minus One. C'est surtout basé sur un pilote d'avion de chasseur zéro, kamikaze, qui prétexte un souci technique pour échapper à la guerre, parce que il a pas envie de mourir, ce qu'on peut comprendre, et sur l'île où il se pose et où il est censé donc faire réparer son avion, apparaît pour la première fois Godzilla, et il aura l'occasion de tenter de l'arrêter, mais il est paralysé par la peur. Et ce qui coûtera la vie à tous ses compagnons, et évidemment syndrome post-traumatique, il va devoir vivre avec cette culpabilité. Mais Godzilla n'ayant pas disparu et ayant décidé d'attaquer Tokyo parce que c'est un truc qu'il aime faire, doit pas mépriser les hobbies des gens, c'est son taf. Hein. Et voilà, et Godzilla il aime bien détruire Tokyo, le Tokyo d'époque. Et il aura l'occasion ou non de réparer les erreurs du passé, partant du principe que ce Godzilla là est vraiment une force qui est pas là pour rigoler. Mais ça doit être peut-être le deuxième. Franchère aussi. C'est le deuxième Godzilla qui fait pas référence vraiment au film de 54 avec Shin Godzilla quelque part. Oui. Enfin, à l'exception des films occidentaux, dans le sens où Minus One, on peut aussi le voir comme le moins un avant le premier. C'est pas une préquelle puisque ça peut pas être cohérent avec le premier film. Tout à fait. C'est vraiment l'instauration de quelque chose de nouveau, même si tout à l'heure tu parlais de période. Je sais pas s'il faut voir Shin Godzilla et Godzilla Minus One comme un tout cohérent ou une envie, non, comme à l'époque de Tanaka, d'avoir une saga, etc. Non, je pense que c'est, pour moi, c'est exactement la même de la même manière qu'il y a eu Batman Begins de Nolan et quelques années, enfin très peu de temps après, le The Batman de Matt Reeves. Pour moi, c'est les variations sur un même thème. Oui, c'est ça. Oui. En l'occurrence, ce thème étant justement le Japon qui contemple ce qui a été fait par ce qui a été demandé aux soldats pendant la guerre, justement la tactique du kamikaze. Et comment en fait ces vétérans sont revenus au pays avec ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts, comment est-ce que la solidarité et l'entraide vont reconstruire le pays. Enfin, on a littéralement un héros qui doit enlever les mines qui ont été installées dans la baie japonaise. C'est presque un remake de son propre film. Il avait réalisé, je ne sais plus en quelle année il est sorti, en 2011 je crois, Kamikaze, donc du même réalisateur qui était déjà exactement la même thématique, hein. Enfin, un retour qui combinait le syndrome post-traumatique, syndrome de l'imposteur, syndrome du survivant. Enfin, le mec est quand même bien bardé là. Et on a la même manière de l'aborder politiquement. Et là, on y rajoute la créature Godzilla, évidemment, histoire de créer l'intrigue, mais c'est intéressant. Après, bon, c'est difficile d'en parler sans complètement spoiler le film, mais c'est vrai que c'est un film qui hésite beaucoup à... Enfin, il est beaucoup moins littéralement, il rentre moins de plein fouet dans toutes ces problématiques qu'avec Shin Godzilla, donc c'est un film plus consensuel quand même. Oui, mais ce qui reste intéressant, c'est que comme Shin Godzilla, on est dans un cas de figure où il faut prolonger une franchise, mais en même temps, ça permet à un cinéaste de l'intégrer dans sa propre filmographie et ses thèmes à lui. Voilà. Ouais. Sauf qu'effectivement, on était avec Shin Godzilla dans le contemporain le plus pur, et là, on est dans limite un Godzilla, on pourrait dire à la fois film historique. Film avec une esthétique vintage, et ce sont deux films complètement opposés d'ailleurs en matière de ce qui est de mise en scène pour la série, hein. Ça c'est quand même c'est presque Alpha et Omega entre guillemets, le plus récent des drames nucléaires au Japon, et l'origine même de ce projet là et d'ailleurs en fait Godzilla même devient aussi une allégorie du deuil, du regret et de la honte du personnage principal, plus même que simplement des bombardements, parce qu'encore une fois les États-Unis alertent, sans trop spoiler, le Japon de la présence de Godzilla dans les eaux, mais tout le reste, tout ce passé militaire est vraiment vécu uniquement du point de vue du Japon. Oui. Et je pense que c'est justement un autre élément de réponse qui explique le succès de ce film, c'est que dans l'absence et l'évacuation de l'action gouvernementale, des institutions, je pense que c'est aussi un film qui répond à une sorte de grand mouvement qui est en train de toucher plein de pays, en bien et en mal, hein, mais un dégagisme total de les institutions de toute façon ne servent à rien, les politiciens nous mentent ou veulent qu'on meure ou veulent nous exploiter ou les industriels de la même manière, on ne peut compter que sur nous. Ah, on a bien compris que toutes les exactions, enfin tout le côté mauvais de la Seconde Guerre mondiale pour les Japonais du point de vue du film était lié à des décisions de en haut lieu et que tout ce qu'il y avait de moins mauvais de la Deuxième Guerre mondiale venait du peuple. Ça, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a effectivement Shin Godzilla et ce film-là partagent, on va dire, un gros focus sur les actions citoyennes, même si dans Shin Godzilla, il y avait encore le backup du gouvernement et des gouvernements pour l'action citoyenne, on va dire, civile. Voilà. Et dans Godzilla Minus One, encore une fois, sans spoiler le film, on est vraiment sur un détachement, là, pour le coup, vraiment significatif entre les autorités gouvernementales et l'action citoyenne qui va prendre en charge, on va dire, le combat direct contre la créature. Et puis, c'est un film qui recentre aussi tout simplement plus sur une certaine forme d'action, enfin les scènes sont pour le moins spectaculaires. Là, pour le coup, c'est une réussite totale. Quelque part, parce que Godzilla, c'est aussi un personnage de cinéma, et c'est peut-être une occasion pour la Toho, pour le cinéma japonais, de souvenir de son histoire. C'est vrai que Tsuburaya et Honda, ils ont même déjà fait des films d'aviation ensemble, bien sûr. Et ça renvoie à ce contexte militaire. Encore une fois, Tsuburaya travaille sur la propagande, Honda a fait la guerre, et l'origine même de Godzilla, elle est très écrite dans cette période de la guerre, en fait. Et c'est en revenant au pays que Godzilla s'invente dans l'esprit de ces gens-là, petit à petit, et que là, en fait, on le replace dans vraiment un truc qui est quelque part, vraiment le berceau originel idéologique de la créature. Ouais, et puis une envie plus primaire de faire un film à effets spéciaux. Faut dire que le réalisateur étant lui-même un spécialiste pour le coup, et première fois dans la franchise, je crois, le seul réalisateur qui occupe tous les postes. En fait. Et reprise du thème de Godzilla, parce que la grande absente de cette émission, c'est la musique et le thème de Godzilla qui fait le taf dès qu'on l'entend. Et c'est vrai que dans ce film, la bande originale, que je vous invite à écouter même en marge du visionnage du film, moi, m'a vraiment laissé une impression durable. Pourquoi aussi ? Parce que c'est la première fois depuis 1954 que le thème du Godzilla de 1954 est réutilisé non pas pour accompagner la créature, mais pour accompagner une action militaire. Ce qui était le cas dans le Godzilla de 1954. Donc ça donne une impulsion à la scène, à la fameuse, on va pas spoiler, mais à la scène qui je pense a déclenché des frissons chez beaucoup de gens. Ouais. Mais aussi, c'est passionnant de se dire que maintenant, la Toho, de par Internet, la mondialisation et par une nouvelle manière de redéfinir sa marque, son brand, a accepté maintenant l'intégration de la technologie numérique pour créer Godzilla. Et du coup, ils ont une façon très intelligente de le mettre en scène, c'est-à-dire aussi bien Shin Godzilla que Godzilla Minus One se disent, bon voilà, on n'a pas le budget d'un Godzilla américain, on a le dixième d'un budget américain, on va vous montrer Godzilla de manière extrêmement précise, concise dans ces films-là, mais à chaque fois, on va vous l'iconiser. Mmh. C'est pour ça que les scènes, finalement, il y en a assez peu dans les deux films, mais elles restent en tête. Parce que chaque fois, la créature nous apparaît dans sa pleine majesté. Et puis, sans trahir le fondamental, qui était justement, comme tu le disais au départ, les masques n'étaient pas animés, et donc on avait une créature très stoïque qui rasait des villes avec un air imperturbable, parfois un sourire maléfique, parfois un regard très méchant. Et c'est ce qui différencie justement de créatures comme le Godzilla américain ou comme le T-Rex, qu'on voit comme des animaux. Godzilla, c'est ce visage froid et placide. Ah, c'est quasiment un dieu. Et là, malgré les CGI, ils ont quand même décidé de maintenir ce personnage qui est très mono-expressif et qui avance très lentement en ligne droite et qui renverse tout ce qui se trouve sur son chemin. Le design du Godzilla Minus One, ça c'est la figurine parfaite. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Puis hein, le tir de rayon atomique aussi, on a bien mangé. Et alors, on arrive à la fin de cette émission. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Godzilla et auraient envie de découvrir, quel est le Godzilla que vous conseilleriez en premier? Fabien Moreau. C'est une question dure parce que tout dépend du spectateur qu'on a en face de soi. Je veux dire que si on a peut-être des personnes de notre âge, peut-être voir celui de 1954 ou le Shin Godzilla parce qu'on nous on veut ça nous rappelle la sortie ça. Voilà on veut de la thématique, hein, on veut des thèmes, on veut de la lourdeur, quoi, on veut de la pesanteur. Mais c'est vrai que si aujourd'hui je m'adresse à un enfant de 7-8 ans, petite fille ou petit garçon, je lui dis peut-être de regarder le Godzilla versus Kong. Parce que mine de rien, on a envie d'être initié à un personnage avant tout. Lequel ? Le premier ? Le récent. Parce que mine de rien, ce qui plaît aussi, c'est de voir des monstres avant tout. J'ai vu tous les films du Monsterverse avec mon fils de 14 ans. Et il l'a adoré. Hein. Bah oui. Le Godzilla vs Kong. Oui. Bah oui, c'est le film parfait pour un enfant et pour le pré-ado. Parce que. Voilà. Et puis c'est un film qui est très bien fait en termes de technique pure. Hein, je veux dire. Mais je pense que l'initiation des enfants à travers ces créatures. Là doit toujours se faire par l'approche d'abord visuelle. Il faut que les enfants adhèrent aux personnages, à leur look, à leur design, puis ensuite on aura tout le temps d'aller vers la thématique. C'est pas pour rien que la campagne de com de Godzilla X Kong The New Empire a déjà commencé sur internet avec les jouets produits par Playmates, quoi, qui sont les jouets, la boîte qui produisait les jouets Tortue Ninja quand même. Mais du coup, il y a cette initiation aux produits dérivés, à la figurine, à la brand, puis ensuite qui permet d'aller au film. Et puis ensuite au film un peu plus sérieux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs Godzilla qui cohabitent pour générer justement de nouveaux fans. Nicolas Donéchaud ? Il t'a pas répondu à la question en fait. Hein. Oui, Godzilla versus Kong. Ou alors Godzilla. Si jamais c'est un enfant. Il va falloir l'assumer, ça. Godzilla Final Wars. Mais enfin, non, moi je vais être plus littéral. Je vais reciter GMK donc de 2001 par Shuzuke Kaneko. Alors, difficile de le voir en France parce que bon, là, il est pas surfait abordé, mais là, la distribution des films Godzilla en France a toujours été compliquée. On n'a pas cet attachement à la créature comme pourraient l'avoir les Américains parce que encore une fois, elle n'est jamais passée à la télé, etc. Donc GMK, carrément thématiquement. En plus, il se tient très bien tout seul, même si vous en voyez qu'un. Et puis je vais quand même glisser Shin Godzilla parce que ça on peut pas passer outre. Bah j'aurais probablement dit les mêmes, mais peut-être si vous voulez justement prendre la partie plus super-héros, plus combat, plus mythologique, on va dire, et pas au sens allégorique, mais vraiment mythologique de monstres, etc. Moi, j'ai vraiment une tendresse pour la période Heisei, qui est ma préférée, et principalement, du coup, Return of Godzilla, Godzilla 1985, en version américaine, Godzilla versus Biollante, et évidemment, Godzilla versus Destroya, qui est la première et la dernière mort canonique de Godzilla, spoiler, qui est pour moi un film qui est merveilleux. Enfin, il y a vraiment cette marche, quand Godzilla revient pour son dernier affrontement avec Destroya, qui est la créature qui est née de la machine qui a tué Godzilla au départ, c'est incroyable. Et que vraiment, il y a cette marche avec la musique de Ifukube qui part, et quand Godzilla, après, il y a le Requiem, t'as les larmes aux yeux, quoi. C'est vraiment des très bons films de divertissement, de très bons blockbusters. Il faut supporter le côté Footmation qui a un peu vieilli mécaniquement, mais encore une fois, il y a des très vieux films de science-fiction qui ont aussi mal vieilli. Les films de Ray Harryhausen aujourd'hui, si on les voit, ils sont moins agréables qu'à l'époque. Et donc la période Heisei, moi je la conseille, à l'exception du film avec Ghidorah qui est un peu bizarre, on va dire, très américain pour le coup, mais un peu bizarre. Godzilla-Zarus. Ouais, les origines de Godzilla, il faut pas en général, mais voilà, en tout cas, ces trois films-là, on va dire, comme une sorte de petite saga, ça marche très bien. Pacific Rim aussi. Si on veut une initiation parfaite au genre du kaiju, je pense que là, Pacific Rim, c'est le film parfait. Merci beaucoup Olivier Corentin, Nicolas Denéchaud, merci Fabien Moreau. Je tiens aussi à remercier Marion Lelay qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Lisiane Larbani, qu'on remercie très chaleureusement également. Et à la technique aujourd'hui, Jérôme Ragano et Pauline Laverdure. J'aimerais aussi vous rappeler les ouvrages qui m'ont servi à préparer cette émission. Donc aux éditions Huguin et Menin, il y a Godzilla, la grande histoire du roi des monstres, et chez Third Edition, l'apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres, et également Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise, aux éditions Aardvark. J'ai du mal à le dire, hein. Aardvark. Il y a deux A. Ouais, il faut que tu trouves un nom plus facile, mais sinon le livre est très bien. Voilà, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter, au Blue Sky, ou Instagram, ou même mon mail, hein, parce que mon mail est pas très dur à trouver, hein, frederic.sigrist@gmail.com. voilà, allez-y, comme les ça. Les harceleurs qui vont débarquer dans les mentions. Non, mais c'est pas dur à trouver. Hein, j'ai un site, et c'est même sur mon site. Donc, c'est dans le domaine public, comme le premier cartoon de Mickey. Mais comme j'ai plus envie de parler sur la plateforme X de Elon Musk et tout ça, c'est peut-être le meilleur moyen encore de me contacter. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette émission. Bah, je vous souhaite juste une belle vie. We call him. Godzilla. Blockbuster est un podcast original de France Inter.